De la Guyane en Amérique du Sud. La Guyane, très... ah, c'est joli comme prénom en tout cas. Bonsoir, merci. JM du Standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. Un peu moins exotique. Salut tous les JM. Ouais, on embrasse tous les JM, les Jean-Marc, les Jean-Manuel. Les Jean-Michel. Les Jean-Michel. Les Jean-Michetou. Les Jean-Michetou. Les Jean-Mimi. En tout cas, merci à tout le monde d'être là, les potos chez vous. Là. Guillaume et votre message aussi sont 12. Bonsoir Julia qui est là aussi. Salut Guillaume, salut tout le monde. T'as enlevé ta salopette, Julia? Non, une salopette aujourd'hui. Je remets les bretelles. C'est marrant, c'est que elle est tellement petite, sa salopette, qu'il y a un sein qui dépasse. À chaque fois. Ah ouais, elle est obligée de la recentrer tout le temps, sinon ça se met sur le côté, il y a un nifon qui passe. Alors, ça va, Flo des cadeaux, ouais. Salut Guillaume, ouais, ça va tranquille. Ça va bien tranquillement, ouais. Génial. On offre quoi comme cadeau ce soir? Alors, il y a des Xbox One S et des tablettes Samsung Galaxy Tab E. Très bien, voilà, on a des Xbox One et tablettes Samsung Galaxy Tab E. Pia? Oui. Ça ne dirait pas de fermer ta gueule? Tu passes parce qu'en fait, on t'entend, chérie, quand t'as la radio. Pardon. Voilà. T'es avec qui, là, du coup, ce soir? Chérie, ma sœur. Ouais, t'assistes à Besta. Comment elle s'appelle, ta sœur? Ma sœur, elle s'appelle. Chérie, ou pas? Elle non, veut pas. Bon, on s'en va. Ça, c'est pas une star. Oh là là là là, ça y est, putain, ça y est, ça va commencer un peu. Ça raconte. Bon, écoute, enchanté en tout cas, ma Pia. Merci beaucoup de passer un coup de fil, ça fait plaisir. Je suis trop contente. C'est vrai, non, mais en fait, je sais que tu veux pas qu'on te reconnaisse parce qu'en fait, je vous ai expliqué. Elle appelle pour un sujet par rapport à son papy, elle a pas envie qu'on la reconnaisse, je peux comprendre. Donc voilà, c'est pour ça que je m'éternise pas dans les questions. Ça va, JM du Standard, t'as passé une bonne journée, ouais, tranquille. Je suis allé à la salle de sport aujourd'hui. Ah, c'est vrai? Ouais, je te jure, très bien. Il est content. Il est content, Peut-être m'y retourner demain. Ah, c'est vrai. Oula, je suis chaud. Putain, ça y est, l'autre. T'as une salle de sport. Ouais, c'est ça, ouais. Très bien. Ouais. Ça fait longtemps que tu devais le faire. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, félicitations. C'est cool, ouais. Et bah, bravo à toi. Merci. J'aime ça. T'as poussé un peu? T'as fait quoi? Un peu, ouais. J'ai poussé et j'ai couru. Ah, t'as fait combien de kilomètres? J'ai fait 2 km. C'est rien. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. 2 km. C'est pas mal. En 10 minutes. Ouais, c'est bien, c'est bien. C'est pas mal. C'est beaucoup 2 km en 10 minutes. Ouais, c'est bon. Tu ne pas un peu? Non, non, du coup, à 65 km. À la fin, tu cours à combien? 10 km. C'est vrai, hein, ouais. On va calculer. Ouais. Bah alors, attends, 10 km/h en 10 minutes, JM. Tu fais pas. C'est ça. Attends, voilà. Ah, si, c'est ça. C'est beaucoup courir à 10. Ouais, c'est pas agréable, courir à 10. Bah, j'aime bien, en fait, comme ça. Moi, j'aime bien courir à 8. 7,5, 8. Ouais, voilà, ça dépend. Sur le tapis. En plus, j'aime ça, il y a des petites cannes, il y a des petites jambes. Ouais, bah oui. Du coup, Bon, en tout cas, comme Pia, si vous voulez venir avec nous, tu peux couper le haut-parleur, Pia, s'il te plaît? Ah, j'ai pas le haut-parleur. Est-ce que ça fait un petit écho? Si vous voulez venir comme Pia, hein, Guillaume et votre texto avec votre numéro de téléphone dedans, là, au 6-11-12. Guillaume et votre texto au 6-11-12. Je passe vraiment des soirées parfaites à avoir ta bouille à la télé, entendre ta voix à la radio. Après, c'est Morien de Soleil. Merci Fanny du 59. Je t'embrasse très fort, ma chérie. Je sais que t'es là tout le Salut. Temps, toi. Bisous. On se fera Snake et Justin Bieber. On se fera Charlie Puth. On se fera le nouveau Kongs. On se fera Feder. Et on se fera aussi Ken Jones, le petit coup de cœur du moment. Ah, t'es bonjour madame. Ouais, c'est comme ça qu'il dit. Ah, t'es bonjour madame. C'est pas le français. Bon, hein. Ouais, c'est marrant. Ken Jones. Ouais, quand on y va. Bonjour madame. Oh, et en tout cas, s'il y a un morceau qui vous fait envie, les mecs, il est 22h15, hein, c'est parti pour l'émission ce soir avec Pia. On est jeudi, donc on fera la blague de JM du standard à 22h09. Trop tard. À 19 alors. On attendra demain. Demain. On a loupé le coach. Ah, si. La superstition. Non, c'est la, non, hein, c'est pas la superstition. C'est JM du standard. Je vais te dire un truc. Tous les jours, dans cette émission, si vous découvrez l'émission, vous chez vous, 22h09, on fait une blague avec JM du standard. Ah bah ouais, je suis là. Quand JM du standard rate le timing et qu'on voit pas l'heure, et ben on l'a fait dans le lendemain. T'aurais dû me le dire, JM du standard. Ouais, mais en fait, c'est parce qu'ils ont rendu tard avant. On s'en bat les couilles. Ouais, il est 22h09. Moi qui est Zao, pas Zao. Coé, pas Coé, je coupe l'antenne et je te mets ta blague. Hein. Ça, merci. Rien à branler, moi. Ah ouais, moi aussi. Il n'y a rien qui est plus important que la blague de JM. C'est pas vrai. Je vais vous dire. Enfin, ça dépend les jours. C'est des jours, et pas importante. En plus, elle était bonne. Hein. Oula. Oh. Ah, c'est vrai. Ouais. Très très bonne. Elle a fait exploser de rire. J'avais fait tout à l'heure un mec d'énergie et il a explosé. Ah, alors si un mec d'énergie anonyme a rigolé, alors il faut le croire. Hein. Bon, mais on verra ce que ça donne. Écoute, garde-la pour demain. Avec plaisir. Ouais. Ça, on est là le vendredi maintenant, hein, de 22h à minuit aussi, les deux dernières heures de la journée. On est là tous les soirs sur Énergie. 22h minuit, Guillaume, Radio 2.0. Et puis Pia qui est là. Ton papy, il ressemble à qui? à Donald Trump. Ah ouais. Ah bah ouais, c'est original. Bah, en même temps, c'est. Il est beau. Hein. Non, mais il est beau. Bah, il est charmant, il a du charisme. Ah bon. Il est grand, mais il présente bien. Enfin, je sais pas, je le connais pas. Dès que j'ai un stagiaire, il va se marier. Non, mais tu peux dire si un mec il a du charisme ou pas, s'il est un peu charmant, s'il est de l'allure. Après, Donald Trump, c'est pas le mec que je trouve le plus beau au monde. Après, la coiffure, elle est un peu chelou. La coiffure, on dirait un peu un truc bizarre. Après, il a des belles dents, tu vois, il est là. Américain. Il est sur le détail, le mec. Ah, mais sérieux, c'est ouf. Oh là là là là. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Après, de la dire qu'il. Non, il c'est un bonhomme, c'est un bonhomme. T'as vu sa femme après, aussi, franchement, sa coupe de cheveux ressemble à rien. Ah ouais, enfin, il met trop de trucs. Non, mais faut dire la vérité, quand c'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas génial, quoi. J'aime du standard, ouais. Est-ce que ton père ressemble à quelqu'un de ouais. Un peu, en fait, quand il était plus jeune, il avait de la barbe et il ressemble à Cyril Hanouna. Ouais, fait. C'est assez impressionnant. Ah ouais, ouais. Je vais pas la mettre, la photo, sur Facebook, on peut la mettre, ouais. On passe à l'eau. Je sais pas, ouais. Je vais demander. C'était il y a longtemps. Mais oui, c'est photo noir et blanc. Tu me croises dans la rue, tu reconnais même. Ah ouais. Le fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. Venez sur mon Facebook, je vous mets la photo du père de JM du Standard quand il était jeune. On dirait Cyril Hanouna. Ah ouais, un mélange. Non, je vous dis un truc. C'est vrai. On dirait un mélange de Cyril Hanouna et de Mouloud Achoua. Limite plus Mouloud Achoua. Ah ouais. Ouais, j'ai montré la photo en réunion et j'ai le standard. Moins rond, il est plus rond, Mouloud Achoua, quand même. Non, ton père est plus rond. Ah ouais, du tout. Ah, sur la photo. Ah non, mais pas en vrai du tout. Hein. Non, mais la photo qu'il avait, ce qui est un peu de barbe, il fait plus rond. Ouais. Maintenant, Mouloud Achoua, il est pas si rond que ça. Il a perdu un peu long. Non, mais le visage, il a un visage assez long, en fait. Comme Greg Romano, un humoriste qui a un visage assez long, en fait. D'accord. Ton père, il a un visage un peu plus Hanouna, quoi. Un peu plus large. Venez liker la page, Guillaume Play, PLEY. Je vous mets la photo tout de suite. On se fait feu de soprano, on avait dit qu'on le ferait. Et t'as des problèmes du coup avec ton papy qui ressemble à Donald Trump? Bah ouais, par exemple, quand on se balade dans la rue, bah quand même, son physique il est pas commun. Du coup, bah ça va. Dans la ville, ça va. Des fois c'est bien pris, des fois c'est mal vu. Des fois on fait des blagues et tout, c'est drôle, mais il y a déjà eu des fois où on l'a insulté ou des choses comme ça. Il y a des gens qui sont assez bêtes pour croire que c'est le vrai Donald Trump qui mais est. Non, c'est pas possible. Pour de vrai? Bah ouais. Ah, c'est des débiles. Hein. Bah, non, mais excuse-moi, mais moi je croise un mec dans la rue, il a beau ressembler à Donald Trump, je sais que c'est pas lui. C'est pas lui, c'est une blague, marrant. Donald Trump, il se déplace jamais, il doit avoir 50 gardes du corps. Surtout en maintenant, vrai. Il est pas au chien. Non, mais même avant. Milliardaire. C'est impressionnant. Moi j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis en vacances, c'est impressionnant. Ouf. Tu passes à Miami, t'as des immeubles avec marqué Trump partout. Ouais, les buildings là. Le mec possède tout l'immobilier américain. Non, mais tu te dis, non, mais des vrais gros bâtiments. S'il est élu, t'imagines. Et mais moi je pense qu'il va passer. Depuis le début, ça a toujours été le plus riche qui a gagné. Non, mais je vous le dis, c'est toujours été le plus riche. Une femme. Qui passait aux États-Unis, Hillary Clinton qui avait de la chance, elle est finie parce que bah, elle a trop de problèmes de santé. Ouais, c'est ouf. Moi, en fait, j'ai eu la chance d'aller à New York cet été et j'ai parlé à plein d'Américains pour savoir ce qu'ils en pensaient des élections et tout. Et il y en a plein qui m'ont dit qu'ils voulaient voter pour Trump. J'étais assez, c'est assez ouf. Surprise. Quoi. Pourquoi surprise? En vrai, moi, je connais pas son. En fait, en vrai. Non, mais après, il a beaucoup. Je sais même pas ce qu'il dit. Il dit un peu des trucs un peu racistes et tout. Ah, c'est vrai. Il est quoi, de gauche ou de droite? J'ai rien compris. Moi, je comprends rien à la politique en général. Étrangère. Ouais, j'ai rien compris à la démocratie. Démocrate, c'est gauche. Ouais. Pour moi, je n'aime pas. Clinton, la Clinton, c'est compris, comme Obama, c'est pareil. Clinton, c'est comme Obama. Obama, ouais, c'est la même chose. C'est des démocrates. Attends, mais Clinton et Obama, c'est les mecs de gauche. Oui, ouais. C'est ça. Et comment on dit aux États-Unis? Démocrates. Parti démocrate. Et sinon, c'est les républicains. Voilà. Voilà. Comme en France, comme ici, en fait. Ouais. Facile, du coup. Ouais, voilà. Gauche-droite. Et donc, lui, il est de droite, alors. Ouais, il est ouais, droite extrême. Droite extrême. Ouais, ouais. Mais je crois qu'il est pas. Il y a un autre parti extrême droite, je crois, aux États-Unis, qui n'est pas celui de Trump. Hein. Ouais, ah, mais Trump, c'est la droite normale. C'est la droite dure, quoi. Après, lui, il a des idées un peu. C'est la droite dure. Dans les discours, il est un peu à droite. Alors, attention, on commence à parler de politique. C'est pas chez nous. La première fois en 5 ans qu'on en parle. C'est vrai. C'est aux USA. Politique française, mais. En même temps, on n'y connaît rien. Non, mais ça, on n'y connaît rien. Ouais. Ouais, mais en tout cas, je dis, moi, je pense qu'il va passer. L'oseille fait beaucoup aux États-Unis, mais en vrai, c'est comme en France. Hein. Après, les États, les grosses villes. Ah, mais c'est évident, on verra bien. Grâce à la personne qui a dit que la fille de la Farge Pokémon, c'était son youtubeur préféré, j'ai eu un MP avec lui, donc merci, voilà. Salut Guillaume, est-ce que Kev Adams et Gad Elmaleh pour leur spectacle? Oui, je peux les inviter avec grand plaisir. Ouais, il était très sympa, Kev Adams. Arc Loco est toujours en retard. Ben non, c'est normal, c'est quand il y a un invité, nous aussi, on est en retard, il n'y a pas de problème. Pense aux appels de phare et invite Jojo Bernard qu'on se marre avec plaisir le barbu. Okay. Salut le routier barbu. On se fait Ken Jones, allez, on se le fait juste après. Je vous ai mis la photo du père de JM du Standard qui est le sosie de Cyril Hanouna. Je vous le mets sur le Facebook là, Guillaume Play PLEY. Et sur Twitter aussi, je vous le mets si vous voulez là. Venez liker, hein, venez follow. On est 460. Combien on est exactement JM du Standard sur Twitter? Attends, je vais dire ça tout de suite. Merci d'arriver en masse, ouais. Hein, là c'est un truc de fou. 464 051. Merci, ouais. Voilà, Guillaume Play PLEY.

De la journée. De 22h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, 22h29. Hey, salut Guillaume, dédicace à Mathilde du 73, je t'aime Gaspard, au militaire qui tente sur Paris. Salut Bonobo. Salut. Le chaîné en force, lis-le, il n'y a pas de problème les gars. Salut. J'adore ton émission par-dessus de ta voix chaque soir, tu habites mon camion. Bisous à tous. Salut Alexandra du 22, convoyeuse d'animaux. Bonjour à tous les bétailleux, salut à toi. Merci Alexandra. Salut. Je te présente Julien Stagiaire. Enchanté. Je te présente JM du Standard. Salut à toi. Je te présente Julia. Je te présente Flo des cadeaux. Et j'allume leur micro. Je te présente Flo des cadeaux. Salut. Voilà, bonsoir à vous les potos. Si vous découvrez l'émission, elle est très simple. JM du Standard, Julien Stagiaire, on est là, Julia, Flo des cadeaux. Ouais. Je découvre la radio ce soir et franchement, je kiffe. Merci les mecs. Salut Sidonie du 7-8. Bienvenue. Ouais, vous êtes nombreux à arriver, mais ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Et parlez-en quand vous êtes en cours ou au boulot, les gars. On est comme Fight Club ici. On se retrouve le soir. C'est un petit club. On est entre nous. On est un million. Personne ne le sait, il n'y a aucune pub la journée, c'est volontaire, on se retrouve le soir et on parle de ce qu'on veut, c'est libre, c'est un peu comme dans les années 80. Vous voulez faire une blague un peu sale, vous êtes les bienvenus. On évite juste un truc, on évite les blagues. Voilà. Sinon, à partir de là, on peut tout faire, les mecs. Sopra, on s'était pas fait Soprano là. Non, pas encore. Depuis tout à l'heure, je dis. On n'a rien fait encore. On n'a pas passé un morceau. Non, mais c'est pas grave. Oui. Ah, ils vont encore me les 22h30, ça va. Oui. L'Universal qui va appeler. Tu joues pas le jeu, nous on vous donne des cadeaux. J'adore ton émission. Ah, c'est sympa les frérots, merci beaucoup hein. Je souhaiterais te dire que je vous aime fort. Salut, c'est qui papa? Salut man. C'est qui papa? Je kiffe ton émission, dédicace à Benjamin et Mathieu, les potos du collège. J'adore ton émission, je t'écoute depuis tellement longtemps. Je suis heureuse que tu sois arrivé sur TPMB, tes chroniques me font tellement. Merci, ne change pas, c'est sympa ça, gros bisous hein. Merci. Gros big up à mes collègues de foot US, les Pilonners, le Crozo. En même temps, on cherche des sponsors, Guillaume. Est-ce que t'es prêt à nous suivre? Moi j'ai aucun sponsoring à donner. Faut savoir, on a même pas de climatisation dans le studio. On a rien, des micros, c'est tout. Est-ce que quand tu vois la radio comme ça, quand t'écoutes la radio, t'as l'impression qu'il y a Madonna, elle va boire son café? Ah ouais. Non. Il y a même pas de machine à café ici. On est obligé. Non mais c'est en plus c'est une semi-vanne. Hein. Non. Première radio de la planète dans le titre. Hein. Ah bah oui. Pas dans les clims. Tu pourrais faire une dédicace à 100% bike. Salut 100% bike. Salut à Roro le gros ped et Grégounette de transport Frégial. Salut Juju le routier du 80. Bonsoir les copains. Aujourd'hui le sosie de Ryan Mencetti s'est foutu de moi car j'ai demandé un autographe à McDo. Ah c'est marrant. Mais faut pas lui demander un autographe, c'est le sosie, il faut lui faire une photo avec. Bah, mais c'est marrant, tu dis, je suis avec le sosie de machin, mais un autographe ça sert à rien. Il a rien fait lui. Hein. Franchement, ouais, ça sert à rien quoi. Je voudrais la chanson Binta de Alonso. Salut man. Fais une dédicace à Damien pour voir si tu lis bien ce message. Bien sûr les gars, je lis les messages, j'ai arrêté de nous prendre pour des mythos à chaque phrase là. Bon, puis à toi, alors du coup ton papy ressemblait à Donald Trump, hein, tu disais avant. Putain, c'est ouf hein. C'est marrant. Et donc t'as déjà eu des embrouilles un peu dans la rue quoi. Bah ouais, des gens qui sont venus le voir en l'insultant et tout, en traitant de raciste et j'en passe. Quoi. Ah ouais. C'est quand même des gens qui doivent être très très, très bêtes, hein, qui sont venus chercher parce que ton grand-père c'est sosie de Donald Trump. Est-ce que vous connaissez des gens qui ressemblent beaucoup qui ressemblent à une personne connue dans votre famille? Est-ce que vous avez quelqu'un qui ressemble à une personne? Est-ce que vous avez un pote qui est le sosie de quelqu'un et ça vous a déjà servi les sosies? Est-ce que vous connaissez les sosies JM du Standard? Moi à part mon père. À ton père qui est sosie de Cyril Hanouna. Je vous ai mis la photo hein, sur Twitter, ça y est. Vous pouvez follow Guillaume Play PLEY, on est 464 070 exactement, si vous avez deux secondes. êtes hyper nombreux à prendre la photo, j'ai vu. Hein. Si jamais vous êtes sur, sur Instagram aussi, je vous ai mis la photo, vous avez été hyper nombreux à la liker. La tête du père de l'IGM du Standard, elle est énorme. Ouais. Est-ce qu'on dirait vraiment Mouloud Achour versus Cyril Hanouna mélangé. Ouais. Et c'est je vous ai mis sur la page Facebook aussi, hein, Guillaume Play, pareil, PLEY, sur Snapchat, je vous la mettrai tout à l'heure. Et puis, Pierre, hein, du coup, qui a dû chaîner. Est-ce que vous avez déjà pareil, quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de connu, juste stagiaire hein. Dans ma famille, j'ai deux sosies, on va dire. Ah. Il y a mon oncle qui est un sosie du Gypsy King, un peu gros, et le mec, c'est un tête de manouche en fait. Ouais, toute ouais. La famille, on lui dit qu'il ressemble à un Gypsy King, c'est énorme. Et il y a mon frère qui ressemble à José Garcia. Oh non. Bah, ah oui, tu l'as déjà vu. Oh, non. Mais si, quand même. Mais, José Garcia du pauvre. Enfin, ah, ouais. Non, mais de loin. En termes d'humour. Non, mais il est chic et tout, c'est pas la question, mais je veux dire, il ressemble pas trop quoi. Si. À une époque, franchement, c'était José Garcia. José Garcia, mais alors pas du tout. Si, avec les cheveux longs, un peu la barbe. Non, mais d'accord, il a la coupe de. C'est comme le mec, je vais essayer pour lui un sosie, c'est le mec qui a la même coupe. Non, mais il ressemble, il y a un air, tout le monde le dit en tout cas. Non, mais tu l'as vu une fois, de. Non, je l'ai vu deux fois. Une fois en soirée, donc ils ont un peu nuit. Non, mais je te dis. Franchement, il ressemble. Non, mais vraiment, il y a des fois, il y a des sosies. Peut-être qu'il y a une partie de son corps que je connais pas. Julia. Ouais, moi, ma mère, en fait, elle ressemble beaucoup à Isabelle Nanty, la madame Tuche, vous voyez qui c'est ou pas. Ouais, donc c'est assez marrant. La meuf des Tuches, c'est vrai? Ta daronne? Ouais, un petit peu, elle a un petit air. Machicorée, quoi. Ah, c'est Machicorée? Oui. C'est la meuf de Jean Ballon. Ta mère ressemble à Isabelle Nanty. Ouais, mais elle ressemble pas à madame Tuche dans les Tuches. Elle ressemble à Isabelle Nanty, l'actrice, quoi. C'est assez marrant. Quand elle faisait Mission Cléopâtre, Astérix et Obélix, là, c'était un peu plus drôle. Elle faisait Itinéris. D'accord, je te capte plus là. Ça, ouais. Ouais. Ah, mais les... ta daronne elle ressemble à Tuche quoi. Petite blonde. Je te jure, ton père ressemble pas à Jeff Tuche. Non, moi j'ai fan de. Non, dommage, ah, c'est un regret. Il a pas un sosie de mon quelqu'un. Mon père ressemble à Flavio Briatore pour ceux qui connaissent. Ah, ouais. Tout le monde lui dit ça. Attends, c'est qui Flavio? Mais vous êtes tous des sosies de personnes pas connues là. C'est un mec de Formule 1. Il a une écurie de Formule 1. Ah, Flavio Briatore, je connais pas. Bah, si. Propriétaire de. Ah, si, il ressemble un peu à Flavio Briatore. Tout le monde lui dit ça en fait. Et mon père il se dit, ouais, il est bon. Ça qui. Ah, ton daron, c'est un rigolo. En disant ça. Est-ce que vous avez des gens, est-ce que dans la famille, vous avez des gens qui ressemblent à quelqu'un d'autre de connu? C'est marrant ça. Il y en a qui disent mon père est le sosie d'Obama. Attends, je vais t'appeler. Ah, ouais. Là. Guillaume et votre message au 612. Vous êtes les bienvenus, les gars. Guillaume et votre message au 612. Apparemment, il y a dans Secret Story, ils ont mis un mec qui s'appelle Jawad, c'est ça, non? Salut, Guillaume, voilà, salut. Ah non, il s'appelle Jawad ou il y a un truc avec Jawad? C'est Jawad en top tweet, là. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Ah oui, en fait, il y avait un Jawad, ils l'ont demandé de s'appeler Jaja, il vient de dire qu'il s'appelait en vrai Jawad. Ah, c'est ça, ils lui ont demandé de prendre un prénom. Non, c'est pas un secret, mais ils lui ont demandé de s'appeler Jaja, quoi. Ah ouais. Mais bon, Jaja, tu te doutes bien que c'est pas son vrai prénom. Ça peut être quoi, Jénine? Mais non, c'est un garçon. Allez, on se fait soprano, on se fait. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur le. Et on fait le jeu de la télé-réalité, là, juste après. Ouais. Et je vous file les Xbox One S. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me parles, fais un peu. Si tu me touches, fais un peu. Car moi, ce soir, je suis en feu. JM du Standard ressemble grave à son père. Bah c'est bon aussi, c'est vrai. C'est rassurant. Allez, on se fait soprano, on se fait en feu. Lady Gaga, juste après, nouveau la Perfect Illusion. Il y aura Ken Jones aussi. On se fait tous les gros hits. Hein. Guillaume Radio 2.0. Merci les potos d'être là. C'est là que ça se passe. À partir de 22h jusqu'à minuit, c'est la première radio de France ici. Bien loin devant les autres. Merci les frérots d'être là. On passe ce soir ensemble, on avance ensemble, les gars. Ok. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir croise. Viens un peu. Si tu me parles. Viens un peu. Si tu me touches. Viens un peu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Meilleures heures de la journée. De 22h à minuit, du lundi au vendredi, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez à l'antenne, on est là. Et Ken Jones. Si c'est on va retrouver Vincent, et puis juste après, on va retrouver Guigui de la régie aussi, qui va nous faire il va nous sortir les 5 sons qui ont marqué 1982. Ouais. Et il y a des trucs de ouf là. Ah bah oui. Je voulais retrouver une blague de Coluche, putain, un truc un peu violent, un peu drôle là. Il y en a plein. Tu m'entends, Vincent de Chéméré? Ouais, j'entends. Ça va ou quoi, Vincent? Tranquille. Salut. Ça va tranquillement. T'as 22 ans, c'est ça, Vincent? Ouais, c'est ça. C'est ça, t'es déjà passé avec nous ou jamais, toi? Ah non, c'est dépucelle. Ça se dépucelle en plus. Oh là là. Oh, ouais. Yon. Ça va, tranquille. Ah bah, bienvenue, hein, Vincent. Hein. Vincent, ouais. Tu tiens une page Facebook, toi, ou pas? Non. Non, c'est pas toi qui tiens la page Facebook, je suis plus discret qu'un espion quand je me masturbe et qu'il y a du monde autour. Non, c'est pas ça. Bon, ce qui t'arrive. Travaille dans quoi, t'as, Vincent? Je suis routier. Ok, très bien. Et on fera le top 15 des, tout à l'heure, des reines les plus riches du monde. Et je vous dirai combien ils ont d'argent. La princesse Caroline de Monaco, combien Stéphanie de Monaco a d'argent, combien Charlène de Monaco a d'argent. Non mais c'est abusé, hein. C'est vrai? Non mais c'est indécent, hein. La reine Elisabeth, comment elle est là? Bah elle est quoi, elle est... Le sultan d'Oman. Sultan d'Oman. Ouais. Oman. Alors la princesse de Suisse. Non, c'est une princesse Karim. Le prince Karim qui est né en Suisse. Ouais. C'est le prince ismaélien. Nizarite, une branche de l'islam chiite et tout, en Syrie et tout ça. Et c'est. Putain, je savais pas. Et c'est un truc de ouf. Il y a de l'oseille là. T'as été choqué, j'aime ça, quand t'as vu le franchement, truc. Franchement, ouais. Oh. Et c'est pas celui. Le premier, c'est pas celui. On aurait pensé. Ouais, ouais. Oh là, non, c'est Qatari. Non, c'est abusé l'oseille et tout. Oh là là, c'est là que tu vois que. Ils sont sur notre planète là. Ah non, mais là, c'est tous dans les mêmes. Mais même, pays, je pense que dès le début, tu vois, tu peux pas avoir autant d'argent d'un coup. Dès oh là là. Ah, le premier, je le savais. Ah ouais? Ah, je sais pas. Ouais, si, ouais. C'est un émir. Enfin, je le savais. Je savais qu'il était blindé. Je te doutais, ouais. Non, non, alors attendez, on va le faire après. Les rois les plus riches du monde et tout, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Harry. Ah, bon anniversaire. Le prince Harry, voilà, c'est bon anniversaire. Et happy birthday, prince Harry. Big up. Personne qui a dû le souhaiter aujourd'hui. Ouais, je pense pas. Le prince. Ils ont oublié. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui t'arrive, Vincent, de chez Méré, alors? Ouais, non, c'était pour dire, j'ai un pote à moi, il ressemble, je sais plus comment il s'appelle, dans Very Bad Trip, là, celui qui est un peu plus gros et simplé, là. Ah, Zach Galifianakis, ouais. Un truc comme ça. Son vrai nom, ça, le grec. Ouais, peut-être. Eh ben, il ressemble, il a les mêmes mimiques et tout. Il se tape des délires. Il est drôle, hein. Ton frère? Ouais. Ah, non, c'est un pote. Il est un peu nounours aussi, pareil. Ouais, pareil, même barbe et tout. C'est... Ouais. Un peu Flo des cadeaux, il ressemble un peu. On est d'accord, non? Flo des cadeaux, il a plein de sosies. À chaque fois, Flo des cadeaux, toi, t'es. Tu ressembles un peu à Zach Galifianakis, mais un peu moins quand même. On me l'a déjà dit en fait quand j'avais une barbe un peu plus longue et que j'avais mis des lunettes. Ouais, tu fais un peu ours, quoi. Ouais. Et donc, tu ressembles à. Tu connais des gens qui ressemblent à quelqu'un? Moi, ouais, je connais un de mes potes, enfin un de mes cousins plutôt, qui ressemble à Nekfeu. C'est vrai, hein? Ouais. Ah, beau gosse. Il a les cheveux longs, pareil, et quand il met une casquette, ouais, ça fait un peu Nekfeu. Ouais. C'est ton style, Nekfeu, ah ouais. Julien? C'est vrai. Ah oh, ouais, il est mignon grave. Ouais. Ah, t'aimes bien, ouais. On va l'inviter alors. Ouais, on lui dira alors. Bah ouais, on va l'inviter. Il faudrait qu'on l'invite, Nekfeu, là. Nekfeu, Ritsa, Tal, voilà, c'est trois personnes qu'on n'a pas encore eues, là. Maxime Derstal, tu m'entends en Belgique, Maxime, là? Ouais. Ça va ou quoi, Max? Tranquille, 12 ans. Salut. Ça va? Ça va. Et tu dis pas dans quel bahut t'es, Maxime? Dans quel bahut? Non, tu dis pas dans quel lycée t'es, dans quelle école, d'accord? Ouais. Voilà. Ça va pas vite là, Maxime. Tu dormais, Maxime, ou t'es fatigué? Moi? Ouais. Non, pas moi, sinon je me pose. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Je suis un peu crevé. Ah ouais, putain. Ouais. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Maxime? Ben, en fait, mon prof de géo. Ouais. Il ressemble à Sylvain Durif. Et ah ouais. Oh putain, Sylvain Durif, c'est un dingue, c'est un fou. C'est sur internet qui arrête pas de dire qu'il c'est le Christ cosmique, ouais, et tout. Il veut baiser. Ah, c'est le mec qui est un peu chelou, quoi. Ouais. C'est marrant, il y a plein de sosies qui appellent. Jordan, qui est le sosie de qui? Bonsoir, Jordan. Salut, ça va? Ça va ou quoi? Salut, Jordan. T'es le sosie de qui, toi, Jordan? Sosie de Mac Pokora. Non, mais c'est vrai ou c'est vrai? Attends, mais mets la photo, frérot. Il faut que tu nous donnes la photo, Jordan. C'est pas toi qui es venu dans l'émission il y a un an? Parce qu'on avait un sosie il y a un an. Mais pas Jordan. Justement, c'est grâce avec ce sosie-là que je me suis un peu. Embrouillé. Je me suis réveillé en fait. Ah, non, tu t'es réveillé? Ouais. En fait, quand j'ai vu le sosie, je me suis dit, j'ai mes chances, quoi. Ouais. C'est vrai. Mais genre quoi, t'avais. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, t'as fait le blond sur ta tête aussi? Non, non, je voulais le faire, mais ça, je l'ai pas fait pendant mon travail tout ça, mais je pense que ça va venir. Ah ouais, d'accord. Ce qu'il a en ce moment. Ouais, là, pour ça, il est blond, Matt. On va essayer de l'inviter, Matt. Tiens, on l'a pas invité encore, là. Cette année, ça va être marrant, là. Il nous fera Claude François, là. Ah bah oui, cette année, là. C'est clair. Et donc Jordan, physiquement, donc, tu ressembles, t'es beau gosse, alors, quand même. Ouais, bah, j'ai des petites ressemblances. Après, voilà, quoi. Enfin, genre, c'est pas mon métier ni rien, mais bon, ça m'intéresse très bien, quoi. Mais dans la rue, les gens, ils te le disent? Ah ouais, on me l'a dit plusieurs fois, quand je vais sur Paris, tout ça, c'est vrai que les gens, ils me disent souvent, tu ressembles à Matt, quoi. Ah, c'est marrant, quoi. C'est tu veux pas m'envoyer une photo vite fait sur mon mail? Bah, faudrait que je sais pas si tu peux aller voir sur Instagram, je peux donner mon Instagram. Ah, vas-y, tranquille. Alors, mon Instagram, c'est joofficiel-totin. J'ai 18 000 personnes qui me suivent. Ah, Totin, voilà. Attends, mais vas-y, comment? J-O. Épale, ouais, J-O-F-F-I-S-I-C-I-E-L. Attends, Joff. En fait, c'est J'officiel. Ouais. Tiré du bas. Ouais, tiré du bas. Oh putain, c'est un truc pé de couille. Ouais, J'officiel, ouais. Tota. T-O-T-1. Ouais, T-O-T-1. Ah ouais, je l'ai. Totin. Ah, je l'ai pas, moi. Tota. Ah, je vous ai. Putain, ouais, c'est où? Qu'est-ce qu'il y a? La première. Oh là là. Ah, c'est vrai, c'est choquant, ouais. Ouais. Il faut regarder. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien, franchement. Non, c'est vrai. Ah ouais, la coiffure, la barbe, un peu. Elle a les yeux bleus, pareil. Attends, mais hey, tu m'as mis beaucoup de. T'as tout fait pour passer sur Instagram. Tu m'envoyais beaucoup de photos, non? Ouais. Bah, en fait, c'est les personnes qui me suivent sur Instagram, elles t'envoyaient pas mal de mails. Ah, j'ai vu. Carrément. Bah, c'est marrant, ça. T'habites où, toi? Moi, j'habite à côté de Valenciennes. Putain, ça serait marrant. Ça te dit pas de venir quand il vient, Matt? Ah ouais. Ah, bah, putain, c'est mon rêve. Alors, on va lui dire. Ah, bah, secret. Non, attends, bien sûr. Faut pas que tu te la racontes trop après. Non, bon, moi je la raconte pas du tout par rapport à ce que vous avez reçu. Moi je reste. Non, mais dans le sens, faut pas que tu la racontes trop auprès des gens pour pas qu'ils soient au courant quand ils viennent, quoi, tu vois. Genre sur Twitter ou quoi, tu vois. Mais non, ouais, ça c'est. Pas que ça balance. Non, mais ça c'est rigolo, ça. Ça c'est rigolo. Franchement, c'est marrant, ça. Tu sais chanter ou pas du tout, Jordan? Non, je vais pas improviser chanteur. Hey. C'est quoi, mais s'il y a d'autres sosies, on remplit le public que les sosies de Pokémon. Ouais. Oh, les sosies plus ou moins bien réussies. Ouais. Mais ça, c'est marrant, ça. Même nous, hein, c'était en blanc. Mais hein. Franchement, ça, c'est galerie. Ouais. Ça, c'est hyper marrant. Hein. Très bien, non, mais ça, c'est très très bonne idée. On le fera. On va remplir le public de Pokémon, que de sosies de Pokémon. Ça, c'est un dos, ça. Et on fait que les sosies de Soprano pour Soprano. On trouve 30 sosies. Et j'invite dans le public que des mecs qui ressemblent à Soprano. Vous mettez tous une casquette Kawel, ouais. vous habillez tous pareil et tout, et ça serait très très drôle, ça. Ouais. Ça et là, que des fans et tout, c'était l'impression de devenir fou, quoi. Attends, il y a Damien qui est le sosie de quelqu'un d'autre aussi. Bonsoir à toi, Damien. Allô, ça va ou quoi? Vous allez bien? Papa! Salut! Damien qui est là, 24 ans, c'est ça? Ouais, bientôt, ouais, c'est ça. Enchanté, Damien. 24 ans du 57, alors. Toi, tu ressembles à qui? Ben, je ressemble pas vraiment, c'est vraiment qu'on me dit vraiment 50 personnes différentes qui ont dû me dire que j'avais des airs de Tom Cruise, en fait. Ah ouais? Ah, beau gosse, ouais. Mais, c'est cool. Mais du visage, quoi, juste du visage. Bah, c'est bien déjà, attends, c'est principal, hein. Ah, si, ils te disent que t'as les mains. Tu sens le cul de Tom Cruise, hein. Attends, ça va, il est belle gueule quand même, Tom Cruise. Il est tout petit, alors du coup, et moi je suis plus grand. Ouais, t'es plus beau, t'es mieux que lui, en fait. T'as les cheveux longs, au moins. Ah, peut-être, non, j'ai plus les cheveux longs. T'as pas la même coupe de cheveux que lui? Il a un peu la mèche, quoi. Non. Ah, c'est vrai, merde. Vraiment les traits du visage. D'accord. Ouais, ça aurait été marrant, quand même. Est-ce que pareil que, comme Damien, comme Jordan. Ah, il y a Samuel qui est là, puis après on fait Guigui de la. Il est là, Guigui de la Régie? Ouais, il est là, ouais. Vas-y, rentre, Guigui de la Régie, dans le couloir, là. Viens là. Attends, excuse-moi, ça va ou quoi, Samuel? Bah, tranquillement. Tranquille, dans le 57. Salut, bienvenue, hein, 18 ans. Maxime, 12 ans, son prof de géo ressemble à Sylvain Durif. Et vous devez rigoler en cours, Maxime, avec ton prof qui ressemble à Sylvain Durif. Franchement, c'est rigolo. En fait, on prendrait skinny, donc. Ah, c'est vrai. Ah, il est perché. Ah, ouais. Ah, il est perché aussi, il est un peu chelou. En fait, je suis en immersion, donc il parle anglais. Ah. J'ai histoire, géo, science et anglais en anglais. C'est bien. C'est science en anglais, c'est bien. Ouais, ça, c'est bien. Compliqué. Après, tu comprends rien à ce qu'il dit. Je suis désolé, mais. Ouais. J'aime du standard, il est pas d'accord avec l'éducation nationale. Franchement, tant mieux. Mais déjà, l'histoire. Non, mais en vrai, tu galères au début, mais je pense qu'après, c'est quand même pas mal. Hein. T'entends un mec parler en anglais et tout, c'est pas mal, quoi. Mon neveu de 3 ans, il choisit de Ribéry, il a le même vocabulaire. Salut, Jimmy de Dieppe. Konnichiwa. Est-ce qu'il y a joué stagiaire, c'est ton père ou quoi, Ribéry? Non, non, non, qui balance que des blagues sales pendant 3 heures, quand il combat de Ribéry, t'as l'impression que c'est son petit frère. Je garde de la proie, je suis le chasseur, t'es la proie, ouais, ouais. Ça va être toi, seul, je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir, à croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui, tout bas derrière, ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille, je vois les gens essayer d'en tirer. Il y a le nouveau Jul qui est sorti, non? Ouais, ouais, le premier, ouais, l'album gratuit. Il est bien ou pas? Ouais, ça va. Ouais, ouais. Ah. Oula. Eh ben, j'aime du standard gelé. Ah, énorme. Écoutez bien, c'est le nouveau Jul, il est sorti tout à l'heure. Je pense à toi, moi, t'es toute ma vie. Je veux que toi, c'est que mais... ta magie. Non, je la connais, ça, non? Je pense à toi, fils de mon amour. Je veux que toi, oui, de la boue. C'est celui-là qui est sorti aujourd'hui, Guigui? C'est celui qui est sorti aujourd'hui? C'est pas le bon celui-là. Ah d'accord, ok. Merci. Il y a plusieurs. Merci. Il a bien fait son boule. Non, il y a que ça. Hein, j'ai que ça. Ah, il est ailleurs. Ah, attends, j'ai l'album de PNL. Ouais aussi, ouais. Ah oui. Ouais, j'ai l'album de PNL qui est sorti tout à l'heure aussi. On l'a récupéré. Il est où, Guigui de la Régie? Là, t'as PNL. Non, ouais, c'est pas la bonne banque. Ah, c'est pas la bonne banque. C'est pas la bonne banque. Ah, attends, alors, vas-y. Attends, PNL, juste le nouveau. Vas-y. Tu m'as mis les hooks direct ou pas, non? Non, c'est les entières là. Ah ouais, je m'en bats les couilles, mais je vais écouter là-dedans ou quoi? Mec, il y a une version de 4 minutes du morceau. Il faut mettre les hooks, moi, ça tape. Ah, il est bien ou pas? Est-ce qu'il y en a qui ont écouté le nouvel album de PNL? J'aime le standard. Ah, il est pas mal, ouais. Ah, c'est vrai, tu peux me trouver la régie? Il me regarde dans les yeux. Cherche-moi le. Je tombe dans le vide. Dans le noir, l'odeur de l'oseille me guide. J'aime les choses simples comme. Sur ma bite, le mal pour le bien, faire pour le paradis. J'viens pas où tes fils partent avant leur mère. Ouais, ouais, ouais, on va écouter le reste. Hein. Attends, c'est ça le nouveau Jules, c'est fils 2. Ouais, wesh, fils 2. Pourquoi que tu veux te plaire, je t'aimais bien. Wesh, fils 2. Je ne suis pas comme toi, retiens le bien. Wesh, fils 2. Et j'oublie rien, je sais d'où j'viens. Wesh, fils 2. Placer les nerfs, alors écoute. Wesh fils 2, on ne rattrape pas la comète. On parle pas de qu'on va faire un vol de comète. Wesh fils 2, ça se voit que t'es pas honnête. Au pire tu connais le nom sur ma sonnette. C'est un nouveau jeu, t'as un nouveau PNL, Bambina. Attends, c'est lequel le meilleur là? J'aime ça, t'as pas écouté encore? Mais il est pas mal. Humain, ouais. Bah après ça se ressemble un peu, je trouve. Ah ouais? Je pense moi ça m'arrange. T'as fait ci, t'as fait ça à l'échange. Là, j'aime bien Nekfeuz, PNL. Ouais, ça se balade un peu comme ça. Ouais, c'est un peu des balades quoi. Ouais. Humain, il est pas mal pour James Sonar. C'est le plus violent quoi. Non, non. Attends, j'avance. En fait, le truc, c'est que je dois tuer mon monstre. Ouais, je suis là, je me balade dans ce décor de merde. Chacal, je suis pas les gentils, on se connaît, je suis tous les jours, on court après l'oseille. Hein. T'aimerais bien nous taper la recette. Voilà, nous on a jamais été malhonnête, quoi. Ça va, ouais, ça va, tout est déterminé. Je vois tous ces fils de pute qui voudraient m'exterminer. À la vie, à la mort. Tu sens qu'il a envie de le faire. Salut, un collègue de boulot et le sosie d'Alexandre Astier, c'est abusé, c'est ouais. Bon, on va parler de Fion tout à l'heure. On a eu des coups de fil, hein, Julien. On va parler de quoi après ouais, en termes de sexe? Alors, c'est des problèmes en couple. Ouais. C'est. Alors, oui, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à présenter sa meuf. Ouais. À sa famille. Et le mec n'est pas très bien et du panique, tout. Et panique. Ah, ouais, elle a pas fait son boulot. Vous entendez la meuf, elle est toute rouge. Interroge en brillant. Elle a que ça à foutre pendant 10 heures. On parle à son sujet pour le spoil. Non, non, on s'en fout. Et je lui dis, attends. Ouais. Et détends-toi la nuit. Elle était à la maison ici. Hein. On parle de cul après, c'est bon. On est ensemble. Mais... Hein, ouais, cool. Ouais, ça va. Non, non, mais voilà, c'est un mec qui est en problème avec sa copine parce que sa copine ne prend pas à sa famille. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Parce que j'ai rien compris, tout le monde rigole comme des cons. Du coup, j'entends pas parler, ma chérie. Vas-y, explique c'est mon sujet. C'est un mec, sa nana ne veut pas le présenter à sa famille, tout simplement. Voilà. Donc, il se pose plein de questions. Et... Ah, ouais. C'est bizarre, hein, quand tu sors avec une meuf qui veut pas te présenter. Il y a un mystère. Ça m'énerve vraiment. Bon, il est l'heure de se faire King Jones. Guigui de la régie. Ouais. On se fait les sons de 1982, juste les. Alors, putain, t'as sorti une blague. Je l'ai enlevé du coup. Ah ouais, tu l'as enlevé. Je l'ai enlevé pour des raisons de sécurité. Je vais vous expliquer. Je passe la blague que Guigui de la régie a validée là. Je perds mon emploi. Direct. Ça, c'est pas très grave. Moi, je suis un kamikaze, mais là. On peut plus la faire. Non, mais c'est pas qu'on peut. Non, là, c'est impossible. Je n'ai jamais entendu une blague aussi sale de ma vie. Ah ouais? Non, mais je vous le dis, je peux pas la diffuser, ça rend une blague de fils de pute. Bah. Mais en fait, c'est qu'en 1982, ils avaient pas du tout les mêmes lois que nous. Enfin, je vous en parle, vous bougez pas. Allez. Une minute, on en parle sur une heure. Énergie numéro 1 sur les hip-hop, R&B, dance.

You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon me. J'ai un ressemble à Thibaut Giray, ce genre de guingamp. Ah non, je le connais physiquement, non. Ah, il est moche. Bah, il est petit, il est dégarni. Ok, les cheveux peut-être. Les cheveux. Ouais. Ah, les cheveux, je suis d'accord. Bah, et tu m'aurais dit, il a une queue de cheval, je t'aurais dit, d'accord. Il est dégarni. Bah, non, mais Thibaut Giray, pas de faire de mal. C'est un petit gabarit dégarni. Un petit gabarit. Ah, si, un petit peu. Non, c'est pas moi. Je refuse. Non. Je suis désolé, non. C'est ton sosie parfait. S'il te plaît. Franchement, bien. Ressemble à ça, sérieux. C'est pas méchant. Non, t'as un air. C'est pas méchant. T'as un air. Non, j'ai un air. Oui, les cheveux. J'ai un pote, c'est sosie de Julien Stagiaire. Je vous jure, un truc de fou, comment il ressemble tellement il est con, comme il salue Loïc. Non. Julien ressemble à Julien Stagiaire, à Thibaut Giray. C'est extrêmement. C'est le fils d'Alain Giray. Ah bon? Oui. Ah d'accord, ok, je sais pas qui c'est l'ingérence. Quand JM commande un verre et qu'il met son nez dedans, on dirait qu'il boit la paille. Facile. Et qu'est-ce qu'un chauve comme Johnny Calvici, j'ai un stagiaire avec de grosses narines, boule de bowling, salut Joe Mitt. Ah, voilà. C'est une agression. Guigui l'a réagi juste en 1982, et chaque fois il nous trouve les nouveaux morceaux, il nous a trouvé le. Bah, il y a le nouvel album de PNL là, qui m'a sorti. Ouais. Le nouveau Joule aussi là, celui-là. Pourquoi tu me jettes l'œil, je t'aimais bien, wesh fils de. Il y a le nouveau l'artiste qui est sorti, la Soleil. Laissez-moi profiter du soleil. Cachemire. Ça fait un peu penser à... Derrière, c'est un peu... C'est pas une chanson un peu fèche ou rebeu? T'es indienne, non? Au fond. Ils nous sortent toutes les nouveautés là, qui sortent à chaque fois. Ouais. Et alors, on s'amuse à faire tous les jeudis juste une année. On reprend en 30 secondes une année et on apprend des trucs et tout. C'est assez marrant. Et je voulais vous faire écouter en fait, pour tout vous dire, une blague de Coluche pour vous montrer la violence des blagues de Coluche. Et en fait, il m'a sorti une blague de Desproges. C'est ça. Qui est juste pas possible. Mais il est connu pour ça. Il faut savoir qu'à l'époque, les mecs comme Coluche et tout, on apprend des trucs. Mais. C'est des blagues sur les noirs, quoi, directement. Ils disaient même pas les blagues, les noirs. Ouais. Sur les juifs, sur les pédés. Oui. Non, mais il fait comme ça. Alors, c'est un pédé qui arrive dans un bar et tout. Et c'est impassable aujourd'hui en radio. C'est une autre époque, hein, en fait. Et franchement, j'ai entendu une blague de Desproges, j'ai saigné du nez, là. Je peux pas. Je diffuse ça, on se fait attaquer par la CSA. Ah, juste pour avoir rediffusé. Ah oui, évidemment. Je pense qu'il y a des sketchs qui sont devenus interdits. Ah bah oui. Non. Ah, je sais pas. C'est sûr, tu peux plus les passer. Non, mais c'est pas possible. Est-ce qu'à la télé, je vous jure, les gars, j'ai même envie de vous le passer juste pour l'éducation. Éducativement parlant, voilà ce qu'il faisait comme blague dans les années 60. Après, pourquoi, c'est Desproges. Hein. Et pourquoi ça a changé à ce point? Et je sais, bah, là, comme tout a changé. C'est abusé. Ouais, non, mais parce qu'on s'est mis un balai dans le cul jusqu'à la gorge. D'accord, on est plus connectés aussi. Non, c'est parce que maintenant les. T'as pas le droit au dérapage. Avant, les minorités étaient plus faibles et maintenant c'est plus gros. Donc du coup, ils sont plus à râler. Et surtout avec Internet, avec les pets de couilles. Sur Twitter, direct, tu te fais attaquer dès que tu dis tu fais un truc de travers, quoi. Et Desproges. J'ai un stagiaire, il se met dans le cul, c'est un top tweet direct. Un autre exemple, c'est très bien. Un autre exemple, ouais. Je sais pas parce que là. Ouais, je sais pas. J'adore ce son parce que. Ah, il est bien, Cachemire, on est d'accord. Hein. Top. Attends, c'est pas celui-là que j'ai passé deux secondes. Non, c'est pas ça. Attends, mais pourquoi c'est pas celui-là? Ah, ouais, c'est ça. Non, mais il y a plein de sons. Hein. Attends, je vais le noter. Ah, je vais le mettre pour TPMP demain quand je vais rentrer sur le plateau. Ouais. C'est marrant ça. Ouais. Je vais lui faire une danse du ventre. T'as vu Guillaume Bengouz s'est embrouillé avec Afida Turner? Ah non, j'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume Sandard? Ouais, bah en fait, il a fait une vidéo, il a clashé un peu parce que je crois qu'il se cherche la mère depuis 6 mois. Ah, Bengouz, c'est un mec qui me fait des vidéos sur Marseille. Ouais, c'est ça. En gros, hein. Je synthétise, mais. Et en plus, très sympa. voilà, lui aussi, il a pas peur, il est sur YouTube, il dit ce qu'il pense, donc ça envoie un peu, quoi, c'est marrant. Ah ouais. Ouais, il y va. Il... Ouais. Mais elle a répondu. Tous les sketchs de Coluche passent sur la chanson. Non, pas tous. Pas tous. Ouais, je peux dire, frérot, non, j'en passe un, là, je vais en prison direct. Ouais, c'est non, sûr. Attends, Bengouz, il a répondu à Fida Turner. Ah, ouais. Mais dis-moi, tu me tues toi ou tu me vois? Hein? Jack hier, tu m'as quitté ta pachole à toute la France entière. Qu'est-ce que tu as fait à la pachole, le bébé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Eh, où est ça? Prends-le avec toi, un rasoir, dans ton sac ou dans ton ténichon. Qu'est-ce que tu as fait, gros? Qu'est-ce que tu as fait, bébé? Tu nous as tous choqués. Quand j'ai vu ça hier, j'ai pris peur. C'est moi qui, c'est nous, toute la France qui devrait porter plainte contre toi. Espèce de jobarde. Supprimer des vidéos, gros. Que ça fait rire toute la France entière. Même les gens, qu'à chaque fois je fais des vidéos, je les taille en deux, gros. Comme par exemple Balbuena. Balbuena, je te les taille en deux, gros. Il n'y a pas eu de répercussions judiciaires ou de mobilier. Hein? T'as essayé de que c'est l'enculé. Ah putain, il aime pas Balbuena. Vu qu'en fait il est parti de Marseille, il est allé à Lyon. Ah d'accord, c'est devenu un peu pareil. Ouais. Salut Guillaume, aujourd'hui il y a une baston. Ah merde, il y a une baston où les gars. Et son numéro, hein, si vous voulez passer avec nous, les mecs, on fait de la radio, les gars. Guillaume, et votre message aussi 612 avec plaisir. Bon, merci pour les textos en tout cas qui arrivent en masse là ce soir. Il y avait donc Guigui de la Régère. Qu'est-ce qui t'arrive, Guigui de la Régère? T'as trouvé quoi de marrant là? Bah là, du coup, en 82, il y avait un grand événement, c'était la Coupe du Monde. Et après, on fait le casting de la réalité. Hein. Et du coup, pendant la Coupe du Monde, la France, elle a mal fini la compétition parce qu'en gros, elle a perdu en demi-finale contre. Putain, on perd là, tout le temps en demi-finale. Voilà. Mais là, c'était pire. Ouais, là, c'était pire parce que c'était contre l'Allemagne, enfin la RFA à l'époque, du coup. Ah. Et le truc, c'est qu'en fait, pendant le match, il y a eu un gros choc entre deux joueurs. Ouais. Notre joueur à nous, c'était Batiston, Patrick Batiston, c'était un défenseur. Et ouais. Le truc, en fait, c'est que le goal allemand, du coup, Schumacher, en fait, il est rentré dans Batiston, mais fort. On dit Schumacher. Ouais, Schumacher. Schumacher. À la française, c'est Schumacher. Sérieux. Michael Schumacher. Tu nous as quand même pas fait ça. Non, mais j'ai regardé des reportages, ils disaient Schumacher, donc je me disais que c'était ça. Non, mais c'est vrai, non, mais il y a eu des messages aussi. On comprend, quoi. Une période où ils disaient Schumacher. Non, mais j'ai jamais vu. Hein. Mais comme il y a des restaurants où ils disent Hambourger, mais. Ouais, c'est des très très vieux personnes. Et donc alors. Et du coup, en fait, Schumacher est rentré dans Batiston, mais fort. Et du coup, Batiston, il était complètement sonné. Et ouais. Il est sorti sur civière. Et le truc, c'est que l'arbitre, il a rien fait, quoi. Un but partout, c'est la marque à la mi-temps. Deuxième mi-temps, les Français font le jeu, donnent la leçon même aux Allemands. Et puis, cette ouverture sur Batiston qui a remplacé Gianghini, Schumacher. Ne s'occupe pas du ballon, il ne s'occupe uniquement que de Batiston qui sera hospitalisé. Il méritait bien un carton jaune, voire un carton rouge, en tout cas le pénalty. Faiblesse, voire lâcheté de M. Corvère. Ouais, mais il le sait. J'ai pas compris là, j'ai pas compris l'extrait là. Bah, en gros, est à l'hôpital. En gros, c'est très. En gros, le gardien allemand, il a rien eu pour l'agression qu'il a fait sur Batiston. Ah Batiston ouais. Était quand même à l'hôpital avec la cassure. Ouais, vas-y, on s'en bat les couilles, t'as quoi d'autre? La mâchoire cassée. T'as quoi d'autre là, vas-y. Bah, du coup, c'est une grande date, c'est le 24 février. En gros, c'est la naissance d'Amandine. Amandine, c'était un bébé un peu spécial. Amandine parce... du 38. Tu fais des vidéos sur Internet. Amandine qui Amandine, on n'a pas son nom. C'est Amandine, juste Amandine. Et en fait, le truc, c'est qu'elle est spéciale parce que c'est le premier bébé à être né grâce à la fécondation in vitro. Ah ouais. Messieurs, bonsoir. Amandine n'est pour l'instant qu'un prénom, mais c'est déjà la petite fille la plus célèbre de France ce soir. 43 heures après sa naissance. C'est PPDA là. Ouais, c'est ça. Presque tout d'elle, 3,4 kg, 51 cm, et surtout son extraordinaire conception dans une éprouvette. Alors, bien entendu, cette naissance a soulevé de considérables espoirs pour plusieurs dizaines de milliers de femmes jusqu'alors stériles. Des espoirs qu'il convient de ne pas trop encourager. Cette technique très particulière est encore bien difficile à mettre en œuvre. Ah, c'est marrant, l'ancienne, hein, 82. Hein, putain, il était déjà là, mec. Ouais. On est en train de m'ambiancer sur du reggae de Zigane. Ah, vas-y, balance le reggae de Zigane. C'est bien ça. Balance quand c'est des bons morceaux et tous les mecs, je suis là, moi. Qu'est-ce que t'as d'autre, Guy, là, bah là, du coup, c'est le top 3 des musiques qui sont restées le plus longtemps numéro 1. À ah, vas-y. En numéro 3, du coup, c'est Dorothée du Club Dorothée avec ouais. Où la menteuse. C'est l'émission. Ce n'est qu'un bon copain, ça ne va pas plus loin. Ça, c'était vraiment le numéro 3. Ouais. Ça, c'était vrai, j'aime son art. Ouais, c'était très connu. Ouais. Non, mais je sais, mais c'était vraiment ça qui vendait le plus d'albums. Et moi, je suis allé la voir en concert. Attention. Elle est restée 5 semaines numéro 1. Qu'est-ce qu'elle fait, les cadeaux? Elle cartonnait partout dans le monde. Elle a fait des concerts au Japon et tout. C'était une star de ouf. Et pourquoi elle fait plus rien, elle? Parce que c'est fini son époque, quoi. C'était l'époque AB Productions. T'as quoi d'autre, là? En deuxième, c'était Jean-Luc Lahaye avec Femme que j'aime. ancienne. Ah, ça fait vieux mariage. T'as quoi d'autre, le morceau qui a le plus marché en 82 pour finir? Après, on fait le jeu de le casting de Terre Arrêtée là. Bah, le numéro 1, c'était Chagrin d'amour, ouais, avec Chacun fait. Chacun fait, ce qui lui plaît, plaît. Précipice et tout. Précipice, on s'en fout. Chacun fait, ce qui lui plaît, plaît. Putain, à l'ancienne. Ah ouais. Bon, allez, il est l'heure, 23h08, de se faire le jeu du casting de Telle Réalité. JM Sonar, on appelle, ouais, Bastien, c'est il ça, est de Saint-Tropez. Ouais, c'est ça. Il t'a dit que tu pouvais l'appeler. Ouais, tu lui parles par mail et tout, il s'est inscrit, même avec Moundia. En fait, on a mis une fausse annonce de Telle Réalité pour faire croire qu'on avait une nouvelle Telle Réalité, qu'on cherchait des mecs pour participer. Et c'est hyper drôle, il y a eu plein de castings. Je me fais passer pour un casteur. J'ai déjà, tu seras mon assistant. Ouais, avec assistant plaisir. Anglo-saxon. Ok. C'est parti, il est 23h08, il y a du foot hein, ce soir. Ouais, il y a Schalke qui a gagné 1-0 à Nice en Europa League. Voilà, pour ceux qui suivent le match là. C'est parti, casting Telle Réalité tous les jeudis en direct. J'ai une idée par SMS. Allô ? Allô, excuse-moi, Sébastien ? Allô ? Sébastien de Saint-Tropez ? Oui. Bonsoir, excuse-moi de te déranger, je m'appelle. Bah, c'est Brian ici de, tu sais, de la télé-réalité, t'as répondu à une annonce de casting là. Tu vas bien ? Attends, c'est quoi ? Je crois que c'est une connerie. Attends, c'est pourquoi quoi ça ? Attends, bah, c'est... T'as répondu à mon annonce de casting sur 99 casting là, c'est ça ? C'était quoi le casting ? Bah, c'est le casting pour télé-réalité, on est resté vague parce qu'on peut pas dénoncer le. Annoncer le nouveau titre. Et c'est quelle chaîne ? On a une boîte de prod, nous, donc on produit pour plusieurs chaînes. On produit pour W9, pour NRJ12. Et c'est quoi la boîte de prod ? Bah, c'est Super Production, voilà, c'est hyper connu. On fait tous les. On est une filiale en fait dans des malls. Bah, enfin, si t'es si chiant que ça, tu vas aller te faire foutre et puis je vais prendre tes cadeaux. Check mon Fred, là, l'américain qui nous gère les castings dans des malls monde. Ouais, bonsoir les candidats, t'as parlé à Trade Roll, hein, Trade Marron. Hein. Pour l'instant, pour nous, on va te rembarrer. Hein, parce que on se fait chier au téléphone avec tes questions de merde. Mais, j'aimerais. C'est quoi cette voix ? Écoute. Mais je suis sur quoi là ? Bah là t'es dans un bureau de prod, voilà, on est en train de préparer le nouveau casting de télé-réalité, donc voilà, est-ce que ça t'intéresse ou pas ? Faut nous dire, nous on a plusieurs propositions à te faire, c'est juste ton prénom qui nous fait chier, Bastien, c'est chiant. Alors je vais t'appeler, si tu veux je peux t'appeler Chantal Mon. On va changer ton prénom pour commencer, on va commencer le travail. On va changer ton look aussi, on va changer ta tête. J'ai une, si tu veux j'ai un truc à te proposer avec Avec quoi ? Et mon assistant prod américain là. Yeah, on parle de moi. Toi, tu t'appelles déjà toi ? Je m'appelle Jefferson. Voilà, Jefferson, exactement. Ok. J'ai Jefferson et ouais. Jefferson, il m'a proposé 8 mecs de la Coca Volonté, un seul survivant, Coquelanta. Si tu veux venir, c'est départ lundi. On a un petit départ lundi, on a un autre départ mardi aussi. Bah vas-y, viens, où est-ce que j'habite en vrai ? Non, mais c'est toi qui vas venir à ma boîte de prod, tu es avec Jefferson, on t'attend là pour le casting. Ouais, on t'attend pour le thé, on verra le CV et le contrat. Toi, t'es très, très tracheur. Très, très tracheur. Très très tracheur. Et c'est quoi Tarzan? Tarzan, tu veux que je te propose de venir faire tu vas venir avec moi et puis je vais te faire tourner une pub là, si tu veux, j'ai une possibilité de te faire une pub. Mais vraiment, sur une personne par quoi? Attends, je regarde, j'ai fait. De quoi? Ah non, j'ai personne, c'est un tableau. De quoi? Il fout de sa gueule, mais je sais pas c'est qui ce mec. De quoi ? J'ai pas compris là, j'ai pas compris Tintin. Non vas-y, attends. Vas-y. Bon Tarzan, tu veux faire ma pub ou pas là ? Parce que j'ai une pub là, je gère une pub avec Jefferson là. Avec Jefferson, tu veux tu vas devenir mannequin pour combinaison sadomaso, t'auras des boules dans la bouche et un latex sur le visage, tu seras payé 1€ le coup de fouet, à toi de définir ton salaire. Tu pourrais devenir la mascotte aussi d'une marque de mayonnaise dans les spots TV, de la mayonnaise coule lentement sur ton visage, ouais, tu seras pas payé. Je prends une Coca-Cola dans le cul, tu vas. Ah non, attends, je te propose des trucs, tu râles, putain, faut savoir. Alors attends, je vais faire ta. Je vais faire ton. Si tu veux, je te fais ta définition comme dans Next. Attends. Vas-y, je te fais comme dans Next. Ah, c'est quoi, t'étais dans le bus ? Attends, ah, je vais. Bastien, je vais t'appeler Chris Nick, ok ? Attends. Je t'appelle Chris Nick parce que ton prénom, ça passe pas, t'es arrêté. Attention. Il s'appelle Chris Nick. Sa mère l'appelle petit enculé au réveil. Il siffle sous l'eau. Il veut rester vierge jusqu'au divorce. Allô, Christine. Attends, je vais t'en faire un mot. Moi, la musique des anges. Attends, j'ai pas. Hé, Christine. Attends, j'en fais. Christine. Sa mère et lui sont sortis ensemble. Il ne se rappelle jamais de son famille. Il n'arrive jamais à dépasser le palier des 1 500 € et qu'il veut gagner des millions. Attends, on va écouter la radio en direct. Ah, Christine, putain. Mais écoute la radio, j'y suis pas, je te dis. Mais vas-y, mec, d'où tu viens? Oh là là, je te dis, j'ai une boîte de prod, j'organise des castings, putain, et sois fun un peu, ma couillasse, là, si tu veux être connu. Tu m'étonnes que tu sors embarré à tous les castings, là. Casting de quoi? Dis-moi ton casting. Ah, bah, je t'ai dit, oh, regarde, un mois en camping sur un champ de mine, en Thaïlande, les yeux bandés, déménage à Phuket. je peux t'emmener, il y a plusieurs. Énorme! Putain, hey, t'as cru que t'étais tombé sur un petit con, toi? Putain, je suis tombé sur un gros con, excuse-moi, sorry, sorry Tarzan. Ta merde. Hein? Eh, vous serez trois, un garçon. Eh, non, mais tu veux, je te propose, j'ai d'autres trucs, si tu veux. Bah, si tu on t'enferme dans une pièce de 9 mètres carrés, fumée 24-24 avec 11 personnes qui ont la gueule. Il faut que tu tiennes le plus longtemps possible, on appellera ça la Star Academy. Bon, alors, tu veux tourner ou tu veux pas tourner? Tu veux être une star ou pas une star? Vas-y, viens, je tourne. Tu sais quoi, je vais faire venir un acteur. McPherson. Yeah. Tu vas jouer avec un acteur, tu vas faire une simulation, on va voir si t'es bon acteur, parce qu'il faut savoir jouer dans les théâtres. J'ai même préparé. Vas-y. Alors, attends, je vais te dire un truc déjà. Hein, je vais te dire un truc, l'émission, ça va s'appeler Qui est la gagnante. Donc pour être sélectionné, tu dis prends-moi. Vas-y, on t'écoute. Mais non, je peux pas, je suis resto. Ah bah, j'en ai rien à foutre, tu fais la théâtre ou pas? Hein? Alors? Non, mais t'es malade ou quoi? Alors, Chris Nick, il pense que la sodomie est un pays. Il a 16 ans, il a couché avec 350 garçons. Il est encore vierge. Hey, Chris Nick, on va faire l'émission Splash 2, l'émission de plongeon. Il faudrait que tu cries le slogan, c'est moi qui sera la plus mouillée. Bon, hey. C'est énorme, ça tombe sur toi, ça, maintenant. Mais grave. Pourquoi ça tombe sur lui? Arrête. Ouais, ça tombe sur moi, c'est n'importe quoi. Hey, Chris Nick, tu veux devenir une star, à un moment donné, faut que tu ailles, mon vieux, là. Si t'es toujours réticent comme ça, tu m'étonnes, hein. Ouais, mais c'est bizarre. Comment tu sais que je vais faire de la quand je t'ai dit, j'ai reçu ton annonce de casting, putain. Tu m'as même dit que t'avais fait le truc de Benny J, là. T'avais fait Moundir, là. Il me croit pas, McPherson, là. Tu m'as envoyé une photo de toi à poil avec une tache rouge sur ta tête, mon gars. Tu m'étonnes qu'on te rappelle. Je me suis poigné sur ma photo. Mais. Attends, je sais pas. Je te dis, j'ai une boîte de production. Tu m'écoutes ou pas quand je te parle, Tarzan là? Voilà. Alors, j'ai besoin de te poser des questions. Tu me dis si t'es vrai, si t'es d'accord ou pas, d'accord? J'ai besoin de savoir jusqu'où t'es prêt à aller, par exemple. Est-ce que tu serais prêt à t'enlever un œil pour l'émission? Non. Non, tu serais pas prêt. Alors, est-ce que éjaculer devant une caméra te gêne? De quoi? Est-ce que ne pas boire ni manger pendant une aventure est un problème pour toi? Bah oui, quand même. Est-ce que tu serais prêt à faire un doigt qui pue à ton père en direct à la télé? Mais toi, j'ai la chance qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui t'insultent quand même. Oh là là! Hey, tu veux pas sortir de ton resto là? Sors de chez Flunch, on n'entend plus rien là, par le menu. Putain, j'ai envie de bouffer chez Flunch en ce moment en plus, ça race. Et rien que d'y penser, bon, la purée à champignons là. Bah comment tu sais? Bon, écoute, hey, je te pose une question, mon petit Basse, et tiens là, et à chaque fois tu me réponds mauvais, d'accord? C'est le but du jeu. Ah, vas-y. Allez, bon, vas-y. Tu réponds toujours à côté du questionnaire. Comment s'appelle l'hymne français, Bastien? La l'andouillette. Comment s'appelle la marque avec un logo de pomme? La poire. Comment s'appelle l'actuel président de la République française? Dominique Strauss-Kahn. Celui qui conduit, c'est Franklin. Quel jour y a-t-il après lundi? Dimanche. Combien de saisons y a-t-il dans une année? 12. Quel est le prénom de Teddy Riner? Freddy. Si je suis né en 2015, quel âge j'ai aujourd'hui? 15 ans. Comment s'appelle la sauce rouge que l'on mange avec les frites? Larissa. Eh ben tu es parfait. Ah non, ça aurait pu être vrai. Ça aurait pu être vrai. Eh ben tu es parfait dans le rôle. Je vais te dire un truc. Je vais te proposer un autre truc. Je te propose de participer et d'être mannequin pour une marque de lingerie en Arabie Saoudite. La séance photo se passera sur une plage, sur la place du village entre deux lapidations. Tu passeras dans enquête exclusive, exécution Moyen-Orient. Vas-y, ça va. Ça t'intéresse ou pas? Non, bon vas-y, je te laisse. Bon appétit. Non, bah attends, je mange pas moi. Je travaille. Moi, je vais manger. Je suis au boulot, mon gars. Je suis en train de chercher un pigeon pour ma prochaine télé-réalité. Tu veux pas là? Parce que sinon j'en ai une. Ça s'appelle Tu dois survivre dans une forêt le plus longtemps possible, poursuivi par un médecin qui est là pour te circoncire. Le dernier attrapé gagne. Ça s'appelle L'amour est dans le prépuce. Voilà, mais me raccroche pas au nez. Allez, tu sais que si tu me raccroches au nez, hey, je suis le baron de la télé-réalité, mon gars. Hey, je sais que Jefferson, il peut te le dire. Yeah, Jefferson. Il est très connu, très fameux. Ne raccroche pas au nez de monsieur. Tu sais pas à qui tu parles, ok? On va te faire faire une petite scène avec McPherson là. Yeah, je suis le comédien de l'arté. Alors maintenant, on va faire. Je t'explique, frérot. Tu m'écoutes deux secondes? Je vais manger. Arrête, je vais te raccrocher. Eh ben, ta frite, tu la réchaufferas deux secondes. Oh là là. Ouais, allez, salut. Allez, salut. T'as la chance de faire de la télé, mon gars. Mais attends. Je peux pas la faire là. Oh là là. Il s'appelle Chris Nick. Il n'arrive pas à faire un 2 avec ses doigts. Il est allergique aux chiffres pairs. Son papa ressemble à Shaim. Ah non, il a raccroché. sensation de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me parles, je fais un peu. Si tu me parles, je fais un peu. Allez, 23h18 sur LR. Il est énorme ce jeu, j'adore. Allez, on se fait Konnichiwa, on se fait Ken Jones maintenant. On se fait Don't Mind. S'il y a un autre morceau qui vous donne envie d'écouter, là, vous me le dites. On se le cale. Shakira, tout à l'heure aussi. Feder, le nouveau. Lord Lee. Cashmere. Il est bien, ouais. Ah ouais. Vous kiffez le morceau, c'est quoi? On se le met, Cashmere. On se le met maintenant. Wildcard. Et juste après, je vous file des Xbox One S sur NRJ. Ça y est, en direct, hein. Guillaume Radio 2.0. Les mecs, il est 23h18 là. Ouais, le fameux maire de Pontarlier, on le tient. Il y a une autre star qui habite dans la ville à Pontarlier. Je me demande si c'est pas lui qui a mis une main au cul à ma mère. Alain Souchon. Il a déménagé. À quel moment tu sors Alain Souchon? Je sais pas, mais je pensais à un mec connu. Dans le laps de temps. Non, mais on est d'accord. C'est la merde. Fallait voir la bouche, il a pas le salon.

back and fall. T'es bien. À partir de 22h, c'est Guillaume Radio 2.0. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne, on est là. On préfère avec le poulet. Ouais, merci. J'ai on est content, on a des poulets gonflables depuis 3 jours, il arrête pas. Bon, allez, on se fait le juste prix. Il y a encore des consoles, vous avez des cadeaux? Ouais, il y a des Xbox One S. Putain, mais que tu es bon. Il a répété. Il ne bug même pas. C'est vrai que j'ai répété en plus. C'est vrai? C'est vrai, je me suis entraîné. Et après avoir donné la Xbox One S, on va aller chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge ou pas? Évidemment, avec plaisir. On ira où du coup? Chercher le chat de Sacha chez ce cher Serge. Merci beaucoup. Salut à tout le monde. Pour l'instant, Gestagia ressemble au cul de mon chien au moins. Il a un beau cul peut-être. Cédric du 53. Ah bah Cédric, facile. D'habitude, c'est sur JM du standard. Salut, pareil sur lui alors. Gestagia, c'est sosie de Marsupilami aussi étrange. Abscon, sauvage, foufou, mais à contrario du Marsu avec une petite queue. Merci à toi. Tu l'as pas vu alors. Salut les gars, merci, c'est Kevin. Je tente ma chance pour la Xbox. T'as une grosse bite, Gestagia? Non, elle est longiligne. Elle est moyenne plus, on va dire. En termes de taille. Moyenne plus, ouais. Et longue. Veineuse. C'est pour la précision. Veineuse. C'est pas un truc que tu dis, c'est... Ça se voit si tu la vois donc. Normalement, c'est les vieux qui ont des. Non, il y a des acteurs dans les films, des jeunes acteurs qui ont des veines qui ressortent. Ah ouais. Ouais. Oh là là. Toi, t'es veineux. Ouais. Voilà. C'est pas beau le mot veineux. Bah non, mais c'est la veine qui ressort. Fait le jeu des hôtels dans 2 minutes. On parlera de cul aussi avec Joanne qui a appelé de Bois Colombes. On va la retrouver dans 20 secondes. Tu bouges pas, mon Joanne. Je sais que t'es arrivé là. Ah, pas de soucis. Ok, frère, bouge pas 30 secondes. D'abord, je vais marquer un chiffre sur ma feuille. Le premier qui me le trouve, c'est pas compliqué. Ce soir, c'est pas demain soir, hein, c'est ce soir. Je vous offre la Xbox One S. Maintenant, il n'y a pas d'autre cadeau. Hein. La tablette Mikouille, on la filera demain. Ouais. Ce soir, c'est Xbox One S, d'accord? Vous prenez votre portable. Je les cache, je vous jure, j'aime du standard. Ouais, je te montre le chiffre. Ouais. Marqué okay. Sur ma feuille, ouais. J'ai un stagiaire. Ouais. Je l'ai Flo vu. Des cadeaux. Ouais. Julia, tu le vois? Ouais. Ok. Le premier qui arrive par SMS avec ce chiffre-là, vous me le prenez avec le logiciel et il arrive direct. Voilà. Vous m'envoyez Guillaume et un chiffre avec votre numéro 612. Le but du jeu. Alors, j'aime ça, elle rigole parce que j'ai bafouillé milliard de secondes. Je te jure que le jour où tu bafouilles. J'ai même pas entendu. Ah, vas-y. Oula, en fait, Flo, il a fait genre, il a vu le chiffre, mais c'est Julia qui lui a réécrit sur une feuille. Ah, t'as rien vu là? Non. C'est vrai, il voit mal un peu. Je le réécris pour m'assurer que. Elle m'a demandé confirmation. Oui. Si je peux l'avoir aussi. Est-ce que ça serait 128? C'est moins que 128. Ah ouais, direct. Voilà. Quoi. Ce soir, c'est une Xbox One S. Je vous le dis direct, hein, les gars, ça va hyper vite. Le premier qui me le trouve, le chiffre. Le First à me l'envoyer. Je lui offre maintenant une Xbox One S. Vous commencez votre texto par Guillaume, mon prénom, pour qu'il arrive dans mon studio. Sinon, il n'arrivera même pas dans le studio, même si vous l'envoyez au bon numéro. Guillaume. Et le chiffre que je cherche, c'est en dessous de 128. Donc vous avez une chance sur 127 en fait. Et vous mettez votre numéro de téléphone dans le texto pour que je puisse vous rappeler. Et vous l'envoyez au 6, 11, 12. Par exemple, Guillaume, un espace 141. Un espace 06, 10, 84, 70. Salut poteau. Bah du coup c'est moins que ça, t'as compris. Qui suis-je? Est-ce que ça serait 96, 07, 82, 42, 05? Les gars, c'est moins que 96. Ça va aller très très vite ce soir. Est-ce que ça serait 3? T'as pas laissé ton numéro. C'est plus. 7, c'est plus. Combien? On cherche un chiffre entre 7 et 96. Vous envoyez maintenant hein, Guillaume et le bon chiffre au 6, 11, 12. Est-ce que ça serait 8? Salut à toi. 06, salut. 58, 32, 04. C'est pas ça. Est-ce que ça serait, il y en a un qui dit 50, c'est moins que 50. Oula. Une chance sur 42 de gagner. Je le fais direct, on est en direct, 23h33. Je vous dis les chiffres qui arrivent, 50 à l'instant, il vient d'arriver, mais il n'était pas, il n'y a pas de numéro ouais. Dans le SMS. Tu vois, donc je peux pas te faire gagner même si c'est toi. Guillaume, le chiffre, votre numéro de téléphone au 61112, au 61112. Ça arrive sur mon écran d'ordi devant moi, ça défile. Le premier qui le trouve, je lui offre. C'est vraiment, on fait un loto. de salle des fêtes dans la plus grosse radio de la planète. Non mais je vous dis, c'est vraiment ça. Hein. Est-ce que ça serait 35? C'est moins que 35. Bonne chance. Guillaume est le chiffre entre 8 et 35. Est-ce que c'est 13? C'est plus que 13. 12, bah du coup c'est plus aussi. Entre 13 et 35. Est-ce que ce serait 18? C'est plus que 18. On cherche un chiffre entre 18 et 35. Je vous offre une Xbox One S ce soir, allez-y. Et alors c'est plus que 15, du coup ouais, c'est 18. Est-ce que ce serait 21? C'est plus que 21. Est-ce que c'est 30? C'est moins que 30. On cherche un chiffre entre 21 et 30. Voilà, Guillaume est le bon chiffre. Avec votre numéro de téléphone dedans aussi, 612. Est-ce que ça serait 24? C'est plus que 24. Oula, ouais. On cherche un chiffre entre 20, putain, c'est pas loin. Ouais. On cherche un chiffre entre 24 ça chauffe. Et 30. Voilà, entre 24 et 30, Guillaume est la bonne réponse au 612. On fait juste le nouveau Lady Gaga, on avait dit qu'on l'écouterait tout à l'heure. Allez-y, hein. Guillaume est la bonne réponse au 612, il est 23h34. On parle de QQ. On va parler de autoriser sa copine à coucher avec un autre mec. Oh, merde, on peux pas. On coupe au lieu de la quitter, de changer de vie. On en parle juste après Lady Gaga, Perfect Illusion. Et Guillaume est le chiffre entre 24 et 30, c'est le juste prix qu'on est en train de faire en direct. Il est 23h34 sur Énergie. Bienvenue les potos. Ok. C'est qui, papa? Saison, nouveaux horaires de 22h. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, 23h37. On va parler de QQ après. Formateur de voix, fait chier. C'était quoi? Je vais faire une vanne. Il marche plus mon déformateur. Ah, non. Oh là là. Mais dès qu'on part, ils font des trucs. Parce qu'ils font un studio l'après-midi là. La dernière fois, ils ont levé les piles de ma télécommande. J'aime du sonar, calme-toi. Non mais qu'est-ce que tu fais des piles? Calme-toi. T'as demandé d'arracher les piles? Évidemment, elles y sont en plus, Guillaume. Ah non, attends, mais c'est vrai. Non mais ici, t'as l'impression. Tu vas les revendre sur le bon coin. Et t'as l'impression ici, c'est. Non mais c'est vrai. Ils enlèvent tout ici. C'est des voleurs quoi. Mais les prises, mais les prises des casques, les... Je sais pas qui c'est, les autres animateurs qui volent là. Ouais, voler les piles, non mais c'est énorme. Mais c'est énorme. Attends, voler les piles pour aller prendre pour chez soi, pour sa chaîne. Il y en a qui valent du PQ des fois. Donc. Merci, je sais. Voilà, je précise. Johan qui est là de Bois-Colombes. Alors, d'abord, on cherchait le bon chiffre, excusez-moi, entre 24 et 30. Le chiffre, c'est 25. Il est arrivé à l'instant. Tu restes fidèle au Paris. C'est-à-dire que si vous avez envoyé 25, on va prendre le logiciel et ça va sonner chez vous pour vous filer du coup la Xbox One. Voilà. Il n'y a qu'un cadeau à gagner ce soir. Un beau cadeau, il n'y a pas de choix, c'est juste celui-là. Xbox One S. À part si vous préférez une tablette Samsung, je peux vous la filer, bien sûr. Bah ouais. Mais. C'est quoi cette ligne en feu là? C'est bizarre, ouais. Elle est comme Soprano. Pardon, j'ai le sonar. Elle est comme Soprano, la ligne. Elle est... Merci. Je sens que je n'ai plus. Allô? Ouais. Ça, c'est un festival ce soir. Ah, ouais, ça va ou quoi, mon con? C'est quoi ton prénom? Quentin. Eh ben, enchanté, mon Quentin. Tu viens d'où, Quentin? Je suis à Caen. Ah bah enchanté, à Caen. Quentin de Caen. Guillaume. Tu sais qu'il y a 2 ans, j'ai déjà gagné. C'est vrai? Putain, t'es un gagneur, toi. Oh là là, t'es Cahuzac, toi. Ah, il y a 2 ans, mais en fait, vos numéros sont bloqués pendant 6 mois, faut le savoir, par un logiciel avec un huissier. Et on peut pas interdire éternellement un mec qui a gagné de rejouer. Ça peut arriver. Hein. Non, mais c'est pas possible, c'est abusé. Ah, c'est abusé. T'as gagné quoi il y a 2 ans? Remets un jeu. Une PS4. Une PS4. Oh là là. Merde. Et là, c'est de la vitesse. Nous avons malheureusement un problème de standard ce soir. Nous allons appeler quelqu'un. Non, écoute, tu préfères une tablette alors, peut-être Samsung Galaxy Tab E? C'est quoi sinon l'autre? C'est quoi? Je viens de te le dire, une tablette Samsung Galaxy Tab E, une Xbox One S. Ah putain, je sais pas. Ou un iPhone 7. Ah ouais? L'iPhone 7 alors. Non, c'est pas vrai. Non, on aurait l'iPhone 7. Il fait rêver là. Hein. Je crois que c'est demain qu'il tombe l'iPhone 7. Je veux pas dire. Ah, je vais jouer alors. Pas le droit de le dire. Ouais, James Sonner, Flo des cadeaux. Ils ont fait un faux micro-trottoir aux États-Unis où en fait ils prenaient les iPhone 6 des gens, ils les nettoyaient dans une petite loge à côté, ils leur redonnaient, ils leur disaient que c'était l'iPhone 7 et ils leur revendaient $50. C'est génial, merci. On t'envoie ça maintenant, d'accord, Quentin? Ok, super. On sait pas ce qu'on t'envoie, mais on te l'envoie. Ouais, qu'est-ce que tu préfères? Une tablette si t'as déjà une console? Ouais, une tablette, ouais. Ok. Bah, deux consoles, c'est bien. Bah, tu sais quoi, je te repasse toi des cadeaux et puis on vous refilera un CMC, on aura la Xbox One S. Demain? Ah bah ouais. Et l'iPhone 7, tout ça, demain. Bon, je te repasse toi des cadeaux, frérot. Et alors, t'as quel âge, Quentin, de Caen? J'ai 18 ans. Et tu joues souvent ou c'est vraiment du hasard? Non, mais là, c'est la première fois que je joue depuis 2 ans. Hein. Non, c'est pas vrai. Ah, le hasard, mais c'est pas possible. Non, mais c'est... Manière, c'est vrai. T'as du cul. Ah, mais en fait, en vrai, c'est pas ça, c'est que t'as eu du cul. C'est pas ça, c'est t'as envoyé le bon chiffre, en vrai. C'est un jeu de rapidité. Non, mais t'as une chatte, mon gars. T'es venu nous voir quand on était à Caen ou pas? Trop de balles ouvertes. Non, t'es pas venu nous voir à en Caen plus. Ah, tu mérites pas le cadeau là. En plus, t'es une prostituée. Oh là là. Pourquoi t'es pas venu nous voir à Caen, salopard? On est venu faire une émission. Bah, on est venu il y a, je sais pas, il y a 4 mois. 3-4 mois, ouais. Avant c'était en Chine. Je sais pas. Ouais. Non, bah, Normandie, Bretagne, Tour. Eh ben, t'es vraiment une belle salope. Ah ouais. Parce que, vraiment, écoutez l'émission, t'es vraiment une balle très. En vrai, putain, mec, on fait l'émission, on se tord le cul. On vient à Caen. Venir le matin dans une voiture. À 8 dans la voiture, parce qu'en plus, c'est la vérité, c'est qu'on était 7 dans une bagnole de 5. Ah, là, non, mais en plus, on était comme des chaouches. On a roulé jusque là-bas pour vous voir, vous rencontrer, et les mecs ne font pas 20 mètres pour venir nous rencontrer l'après-midi. C'est un scandale, mec. Ça m'écœure. C'était un samedi. Ah, merci, Gilles. Ouais. On a fait un Bretagne-Normandie tour, tu te rappelles pas? Oui, bah non, désolé. Voilà, et ben je vais vous dire un truc, on avait fait un Bretagne-Normandie tour, c'était un kiff. On est d'abord venu vous rencontrer à Rennes. Ouais, Rennes. Ensuite, on a roulé avec la voiture, on était à 7 dans une voiture de 5, on est allé jusqu'à Rouen, jusqu'à Caen. Et ensuite, on a fait Rouen le lendemain avec Kinvey. Et le dimanche, on a fait vendredi, samedi, dimanche, c'était chambé. C'était rigolo. C'était génial. Faisait détresse et tout. Et on est même allé voir le match dans un camp de gitans avec Kinvey à côté du studio. Dans la caravane. On était allé dans la caravane avec Kinvey. Il y avait un camp de gitans autour du studio, on est allé avec lui en direct avec les gitans, on regardait le match. Et en fait, le problème, c'est qu'ils avaient que Energy 12, les gitans. Ils regardaient pas le match. Et c'était très sympa, on avait beaucoup rigolé. On avait tiré les fusées de détresse de bateaux et aussi, tout. Gros soirée, hein, c'était. Ah, exactement, putain. Bon, alors, en tout cas, mon Quentin, et t'as une gonzesse, toi, t'es solo ou t'es. Je suis solo, là. Ah ouais, putain. T'étais même pas parti niquer, t'as pas d'excuses. T'es où à Caen, dans quel quartier? Je suis dans la Cité U. Ah, si t'as eu, très bien. Ouais, ok, très bien. Eh ben, écoute, c'est un plaisir de t'avoir eu, Canet. Et je te repasse le standard. Et, okay, et on te prend ta petite adresse. Bon, en tout cas, c'est hyper gentil d'être là depuis 2 ans. Hein. Merci. Hein. Merci ouais, beaucoup. Ça fait plus longtemps. Ouais, ça, vraiment. Depuis plus longtemps que 2 ans, tu connais ? Mais oui. C'est vrai, depuis quand ? 4 ans à peu près. Ah ouais, putain, c'est sympa. Merci, c'est énorme. Bah écoute, ça nous fait super plaisir, mon gars. Vraiment, c'est un kiff de ouf. On va se faire le jeu des hôtels en mode replay, c'est toujours très drôle aussi. Ouais. Et on va faire, ah oui, on va faire le top 5 des fortunes dans le monde. Ah oui. Des rois, vous allez être choqués, hein, je vous annonce, vous allez être choqués. Bah, la reine d'Angleterre déjà. Bon, mon Quentin, tu bouges pas, je te repasse. Ah bah t'as resté avec nous 2 secondes. Juste, on va faire le classement. Le top 15, en fait, c'est le top 15 des fortunes. Rois. Ah ouais, c'est abusé puisque c'est l'anniversaire aujourd'hui du prince Harry. Voilà, il a 32 ans. On dit bon anniversaire au prince Harry. Bon anniversaire le prince Harry. Quel âge le prince 32 Harry, ans. 32 ans, ouais. Seulement c'est, ah, le, ouais. C'est le rouquin, c'est le petit. Happy birthday. Ah, c'est très bien. Mais salut, c'est William, c'est le plus grand. Salut, salut à toi alors, Harry. 32 ans. Et l'autre, ouais, il a quel âge le plus grand? Bon, 34, 35, je pense. Ah ouais, d'accord. Ouais. Harry birthday. Eh bah, ben, salut à toi, Harry. On fait un gros bisou, Harry. Et alors, les rois les plus riches dans le monde, la 15e, c'est la princesse Caroline de Monaco, quoi. Ah, ah oui. Elle a de l'argent, même. Ah ouais. Et bah, elle a 91 millions d'euros. Même pas besoin de jouer au loto. Même pas besoin de travailler. Elle est dans la bonne famille. Ah, c'est dingue, hein, quand même. Ah bah oui. Elle est sortie de la bonne femme. La deuxième, devinez, ex aequo, princesse Stéphanie de Monaco, ah, évidemment, les deux filles. La famille. 91 millions. Il, voilà. Il a Monaco, le bonheur. C'est la plus jeune fille. Ah bah. En fait, c'est la fille, donc elles ont en fait la même chose, quoi. 91 millions d'euros chacune. À parité. Ouais. Charlène de Monaco en 14e. C'est la femme d'Albert. Mais non, oh là là. Ils sont tous dehors. Ouais, exactement. 168 millions d'euros. Elle a rien fait, elle. Bah ouais, mais elle est princesse. Elle s'est mariée, quoi. Elle est née dans le bon trou, quoi. Non, elle est mariée. Elle a épousé la bonne. Ah oui, t'as raison. Charlène, c'est la. Membre de la famille royale en épousant le prince Albert II. C'est ouf. L'ancienne nageuse olympique d'Afrique du Sud devient membre de la famille royale. Elle préside des célébrations de la fête nationale et Grand Prix de Monaco et tout ça. Il est au-dessus encore, Albert. En plus, il paraît qu'ils dormaient même plus ensemble et tous les deux. Ah, ils tiennent plus. Ouais. Après, ouais. Si, ils ont un enfant. Ils ont qu'est-ce que ça peut leur foutre? Après, ça ne nous regarde pas. Ouais. Hein. Bah, oui. Non, mais peut-être qu'ils sont séparés mais qu'ils veulent pas le dire parce que pour l'image. Et pour 100 millions, moi je reste avec Albert. Ouais, j'essaie de se reculer par Albert. J'irai pas ça. Tu vois, les services secrets monégasques. Ah bah écoute, attends, j'ai rien dit de mal. J'ai dit que c'était bien qu'elle restait avec lui. 13e, c'est la reine des Pays-Bas, 200 millions d'euros. Oh là là. Putain, 200 millions. Ils sont riches, hein, c'est fou. Hein. 12e, c'est la reine d'Angleterre. Je croyais qu'elle était première. T'as vu, elle a baissé, je crois. C'est fait qu'elle. Ils ont dit, ouais, elle a baissé. Ouais. Et en fait, il n'y a pas tout qui lui appartient, je crois. Ah ouais. Les bijoux, tout ça, ça lui appartient pas. Non, mais en vrai, c'est un peu difficile d'estimer. Ouais. Parce que, genre, je crois que la reine d'Angleterre, elle possède l'Angleterre. Ah bah oui. Ouais, mais c'est pas d'argent. La terre, tu ne peux pas l'acheter là-bas. J'avais déjà dit ça. Tu as le droit d'acheter une parcelle 99 ans, mais pas le droit de la posséder. Quoi. Et tous les mammifères marins à 5 km, ça lui appartient. Ah, c'est vrai? Ouais. Tous les mammifères marins. Donc c'est à la fin, elle peut y aller. C'est un peu le Stéphane Bern. Comment tu sais ça, toi? Ça, j'avais vu ça, ça m'avait fait rire. Les mammifères marins. Ouais, elle possède tout ce qui est à 5 km des côtes. Attention, le sultan, alors, donc elle a 473 millions d'euros. Quand même. La reine anglaise? Ah ouais, je pense qu'elle a beaucoup plus que ça. Oui. Pour moi, elle est au moins milliardaire. En ça, c'est du bullshit, hein, les classements. Bah, c'est large, oui, je sais pas. Soi-disant 302e personnalité la plus riche du monde. Parmi le Sun de, pour le Sunday Time, là. À mon avis, beaucoup plus. Ça. Ouais. Et se fait une redevance, enfin, elle se fait un salaire en fait chaque année pour être reine. De 11 millions 7 euros la part du gouvernement. Ouais. Elle est bien, elle est bien. Voilà. En même temps, c'est pas grand chose sur un pays en vrai. Ouais. Bon. Elle est pas à plaindre. Hein, 11 millions 7 heures, elle est déjà blindasse. Ouais, mais ouais, elle a pas de loyer. Le sultan d'Oman, 636 millions d'euros. Oh voilà. 11e plus grosse fortune royale du monde. Le prince Karim Aga Khan IV. 727 millions d'euros. Il est né à Genève. Et, ouais, et donc, attends, le mec est considéré comme un descendant direct du prophète Mahomet. C'est ça, c'est un courant de l'islam. En sa fait. Fortune est construite sur des impôts et des dons volontaires des membres de la communauté ismaélienne qui font don d'au moins 10% de leur revenu annuel. Ah, c'est curieux. Hein, et qu'est-ce qu'il en fait, ce monsieur-là? On ne sait pas qui c'est vraiment. Il gère une branche de l'islam chiite en Syrie, Égypte, Maghreb, Pakistan et Inde. Ouais, ils sont implantés. 727 millions d'euros. Ah, ouais. Le prince Albert de Monaco. Ah. Ah, ah, et le prince Albert, 910 millions d'euros. Oh, 9e fortune mondiale. Hey, Albert, quoi. Il est blindé de ouf. Hein. Comment on peut avoir 910 millions d'euros? Bah, c'est des héritages. Mais non, mais c'est le prince. C'est Monaco. Mais bien sûr, mais Monaco, et pourquoi? Je vais aller sans doute l'oseille. Bah, je sais pas, les monuments. Les gens qui habitent, quoi. Bah, non, je vois. Salut, les. Parce qu'on est à Monaco. Salut. C'est un peu la France, Monaco. Big up, Big up, big up. C'est magnifique, Monaco. Ouais, Monte Carlo. Ouais, c'est la classe à Dallas. Le Rocher. C'est la classe à Monte Carlo. Ah bah là. Huitième fortune mondiale, le Tchèque. Alors, c'est compliqué les noms là. Ouais. Tchèque Tamim Ben Ahmad Ben Khalifa Al Thani du Qatar. Bah, c'est le prince du Qatar. Ouais. Ah, c'est 1 milliard 88 millions. Oh là là. Ah, là, là. 1 milliard 820 millions, pardon. Ah ouais, c'est 1 milliard de plus que le président de Monaco. Ouais. Putain, le patron de Monaco. Que le prince de Monaco. Ouais. Le roi Mohamed VI du Maroc. Ah, 1 milliard, plus riche que le Qatari. Ah, je savais pas que. Plus riche que le Qatari. Et il est riche, hein, Mohamed VI. Mohamed VI, 1 milliard 91, 1 milliard 910, quoi. Sympa. Quasiment 2 milliards d'euros. C'est beaucoup, quand même. Putain. Depuis Mohamed VI, il a défendu les pauvres. Si bien qu'on l'a nommé le roi des pauvres. Voilà. Ah, c'est bon. Le roi des pauvres, ouais. 1 milliard 91 millions. Considérable du roi provient de 40% de la Société nationale d'investissement dont il a hérité. Ah ouais. Wow. Héritage. Il doit y avoir des. On sait pas tout, mais bon. Du bise-bise. Le prince Hans Adam du Liechtenstein. Ah ouais. C'est pas énorme. La principauté. Le mec, il a un tout petit pays. C'est quoi, il a il est deux fois plus riche que le prince du Qatar, en fait. Le prince du Liechtenstein. Adam II, il a 3 milliards 18 millions. Ah, mais Liechtenstein, il y a les banques. Enfin... 3 milliards 180 millions d'euros. C'est fou, hein. Ouais. C'est riche là-bas. Hein. Attends, ensuite, il y a le prince de Brunei, petit état présent sur la Malaisie. Hein. C'est, le sultan de Brunei, c'est tout petit aussi. Hein. Ouais. Le mec, il a 4 milliards 500 millions. Quoi. C'est fou, c'est petit, pas les mêmes. C'est, hein, ouais. Putain, c'est hallucinant, quoi. Attention, et top 4 des mecs les plus riches dans les rois, c'est le Tchèque des Émirats Arabes Unis. 16 milliards d'euros. Oh là là. 16 milliards. Ah là, là, on, quoi, là d'un coup ça parle. 16 milliards d'euros. Ensuite c'est le sultan de Brunei. 18 milliards d'euros. C'est le père de l'autre. C'est le papa du prince Azim, ouais, qui est numéro 5. Ah, voilà. Le daron, il a 18 milliards. Hein. Le fils, 4 milliards et demi. Oh, oh. Le numéro 2, c'est le prince Al-Awalid Ben Talal Al-Soud. C'est l'homme le plus riche d'Arabie Saoudite. C'est le fils de l'ancien roi. Hein, voilà. Ouais, descendant normal. C'est pas d'où c'est arrivé. Il est sous 21 milliards d'euros. 21 milliards. C'est un gros PEL, ça. C'est 2100. Ah non, c'est, oui, c'est 2100 millions d'euros. Millions, ouais. 2000, tu peux, c'est abusé. 2100, tu mieux pour là, 2100, mais après, si tu possèdes un pays, bon, voilà. Et s'il faut savoir quand même que l'Arabie Saoudite, c'est le seul pays qui porte le nom du roi, quoi. C'est la famille Saoud. Et il s'appelle Saoud. Et ouais, bah ouais, bah, notamment lui, voilà, Talal Al-Saoud. Et en fait, c'est le seul pays qui est en fait à moitié privé, quoi. Ouais. Ouais. Et le numéro 1, c'est, alors attention, avec 27 milliards, largement au-dessus. C'est pas le Qatar, du coup. D'après vous, c'est qui, je sais. J'aurais dit le Qatar, le Koweït, non, un truc comme ça. Le Koweït, mauvaise réponse. Ah bah. Julia, je sais pas, peut-être un mec d'Amérique du Sud, vu qu'il n'y en a pas eu. Ouais, c'est vrai. Un mec d'Amérique du Sud. Ouais, alors que, parce que l'homme le plus riche, c'est Carlos Slim, je crois, un Mexicain. Très bien vu, non, de la part de Julia, mais c'est pas ça. C'est un cadeau. Moi, j'aurais vu en Afrique. Un mec qui a fait des trafics en Afrique. Eh ben, pas du tout. C'est le roi de Thaïlande, le plus riche du monde. Ah ouais. Ouais. Mais ça, je savais que le mec était blindé. C'est pas Taïa, ça. Enfin, ouais. Merci, je sais. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Pourquoi il a 27 milliards? Parce que ça fait 69 ans qu'il règne, hein, en même temps, le mec. Oh, il est vieux. Longtemps. Ouais. Hein. Ouais. Il a 32% des parts des banques, etc. Le gars, une démocratie. C'est une démocratie. Non, mais apparemment, il est très, très apprécié en Thaïlande. Il y a des enfants, je pense. Très, très, enfin, 69 ans, c'est long. Quand même. Une partie. Ça fait 69 ans qu'il est en règne. Ah oui. Il n'a pas 69 ans, il est plus vieux. Jusqu'à la mort, il sera. Il est âgé, ouais. Et il possède, genre, milliers d'hectares d'immobilier, etc. 27 milliards d'euros. Oh là là. C'est beaucoup, c'est énorme. Ah non, en fait, 27 milliards. C'est... Attends, parce que tout à l'heure, j'ai dit 21 milliards, c'est 21 000 millions. Oui, c'est 21 ouais. 000 millions, pas 2100 ouais, millions. Ouais, non. J'ai une connerie. Je suis perdu, il y a trop de chiffres. C'est 21 000 ah, y a trop de millions d'euros. Ouais, bah là, ouais. Je vous disais, c'est pas énorme, ouais. 2100 millions pour le mec le plus riche du monde, si vraiment il a le pétrole et tout. Non, 27 000 millions. De toute façon, je ne compte plus, là. Ah, tu veux un million, vas-y. Bah ouais, il peut donner. C'est un 27 millième de sa fortune. T'imagines un peu, c'est rien, c'est dingue. Bon, il est 23h52, on parle de cucu, on va parler de laisser sa copine aller baiser ailleurs. On en parle juste après sur Énergie. Vous avez découvert 21 Pilots et Nash en écoutant Énergie. Grâce à eux, vous gagnez le nouvel iPhone 7. Et vos places pour voir 21 Pilots au Zénith de Paris. Dès que vous entendez le double hit avec 21 Pilots et Nash à la suite, hey, I'm Nash. Soyez les premiers à appeler Énergie 3937. Et vous gagnez votre iPhone 7 ou le concert de 21 Pilots le 17 novembre au Zénith de Paris. Pop, R&B, Dance. Ici, c'est Énergie.

saison. Ok, on est bien. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne, il y a Clément qui est là. Bonsoir Clément de Castres. Ouais. Allô. Vous allez bien? Allô. C'est qui le papa? C'est qui le papa? Ah ouais, t'étais passé à l'antenne hier, on parlait des réactions inattendues originales d'un de vos partenaires quand vous niquez. Ouais. Et ta copine, elle fait le bruit de cochon et tout ça. On n'avait même pas pu finir le sujet hier. C'est vrai. T'étais tombé sur une fille qui a fait une réaction inattendue comme ça quand t'as fait l'amour. En fait, elle a pas eu le temps de la faire. On allait pour coucher ensemble. Je venais de la ramener chez moi en plus, c'était le premier soir. Elle est partie direct. On n'a pas pu coucher ensemble. Elle est revenue le lendemain. C'est-à-dire quoi, on n'a pas pu? Ben, on n'a pas couché ensemble. Elle m'a dit ah non, je sais pas pourquoi, j'ai un blocage et tout. Je crois qu'elle sortait d'une grosse relation. Et en fait, elle a paniqué. Et elle est revenue le lendemain, on a fait c'est bizarre, ok. Et le lendemain, tu l'as mis? Ouais, le lendemain, je l'ai mis. Et on est resté ensemble un peu en plus, il y a quelques années. C'est ouf. Moi, ça m'est arrivé de sortir, enfin, d'être avec une meuf de manière un peu illégitime, tout ça. Ouais. Et au moment de coucher avec, elle me dit ouais, mais si j'ai peur d'être déçu, je tiens trop à toi. Je préfère que garder ça dans mon mental les soirées qu'on aller a vécues tout peu, ça. Non c'est chaud. Et j'ai trop peur d'être déçu, etc. Ça fait parce qu'on est en fait on s'était vu à l'époque pendant un an. Ouais, elle se posait des questions. On se voyait à droite à gauche et on n'avait jamais pu coucher ensemble. Et jour on a pu, mais dit non, j'ai trop peur, je tiens trop à toi. Elle a pas fait. Avec toi tout de suite là. Et j'ai jamais pensé. Sentimental. Ensemble ou quoi? Et moi ça me faisait aussi peur de coucher avec elle. Parce que j'attendais tellement le moment que tu sais tu te dis putain s'il faut ça va être nul. Grave. Bah tu reportes au pire. Même. Et voilà. Et bah du le coup. Le lendemain, le surlendemain. Ouais c'est ça. Et après j'ai jamais eu une nouvelle. Ah merde. Ah ouais. Ouais j'ai jamais eu une nouvelle. Ça, c'est dommage. Est-ce qu'il y avait des trois amoureuses et se sentaient mal qu'on soit pas ensemble? C'est marrant. Hein. Ah c'est bizarre. Il y a des filles qui ont pas les mêmes réactions que les hommes. Ah ouais, nous, une fille qui est amoureuse. Une fille qui est amoureuse elle va préférer couper le contact. Même si elle est amoureuse. C'est dingue. On n'est pas pareil de toute façon. C'est ça. Je vais te dire. Pas pareil que personne. Les garçons et les filles, on n'est pas pareil. C'est déjà à personne. Quoi. Ça, non, mais je comprends. Je comprends. Pas pareil, complètement mental. Elles se prennent la tête pour rien. Julia, t'es déjà tombée sur une réaction inattendue quand t'as fait l'amour à une femme ou à un homme? Ouais, tout à fait. Moi, j'étais en train de coucher avec mon copain et tout, et il a commencé à me parler en anglais. Et alors, franchement, ça m'a déchauffé, mais direct. Et pourquoi? J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que je voulais que me prendre un peu pour un acteur, que tu kiffes un peu, alors que tu te crois dans un film. Je lui ai dit, mais c'est pourri comme truc. Ah, c'est complètement pourri. C'est trop nul. Ouais, oh, yeah, ah, c'était c'est naze. Ah, you suck my cock. Tu voulais me faire un c'est pas jeu. Crédible. Ah, c'est pas crédible. Oh là, quoi. Là, un vrai anglais, ok. You love that, you love that. Franchement, t'es ridicule. En fait. Moi, j'aurais plus à fourrir. Elle joue ou ça avec l'accent. Une meuf qui me parle en anglais, je pense que je peux chialer. Chialer d'ailleurs. Faut des cadeaux, une réaction originale que t'as eue toi Bah moi j'ai couché avec une meuf et en fait après elle s'est mise à avoir un fou rire. Sauf qu'elle pleurait en même temps. Quand elle a vu Flo Décalou torse nu. Ok. Non, pas du tout. J'étais déjà torse nu depuis un moment. Ouais. Et elle a beaucoup aimé. Et quand elle a vu le t-shirt de Flo Décalou. Mais non, ce qui était bizarre, c'est qu'elle avait un fou rire, mais qu'elle pleurait en même temps. Ouais. Elle était contrastée en fait. Elle pleurait de tristesse, mais elle avait un fou rire en même temps. Genre, t'as tapé fort ou pas? Bah non, je sais pas. On avait fini en fait. Il a pas forcé, ça va? Non, on avait fini. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire pleurer une fille en son amour. À jamais. Ouais. Après l'orgasme, je pense que. Enfin, juste pleurer un peu les yeux avec j'avais dit en suçant. C'est mon regret, ça aussi. Là, mais c'est la fille qui les appuie moi sur la tête. Alors j'ai appuyé dessus. Et après, elle me dit, mais j'adore, continue. Je m'étais en train de pleurer. Non, j'adore. Ouais, ça m'est arrivé. Ah, si elle adore, c'est excitant. Ouais. Ou alors de taper trop fort, une fois, ça m'est arrivé. T'as vomi? Non, elle a pleuré. Mais. C'est ça m'est déjà arrivé que la fille. Non, non, mais c'est elle qui me disait, on a continué. Et je suis sorti avec une barjo aussi pendant 6 mois en Belgique. Et la fille, elle avait un peu le mascara qui coulait. Elle me dit, mais j'adore. Putain, t'as plus fort, j'ai mis ta mal là. Elle me fait non, mais j'ai mis t'en 30 plus. Elle me dit, mais c'est mon réflexe qui est comme ça. Et oui. Et en fait, je suis tapé tellement fort, donc je sais pas, elle couinait un peu. Et je crois qu'elle était un peu émue. Et elle kiffe en pleurant. Non, et jouissait et pleurait. Quand je te jure, c'est trop chelou. C'est bizarre. Mais c'était un peu une artiste, c'est un peu une À l'envers quoi. Super chier. Tu comprends. Je viens de dire chasse en distance. Ouais, mais c'est mécanique quand on t'enfonce un truc dans la gorge, tu pleures. Non, moi, tu vois. Paris, c'est que Pigalle. C'est que le 18ème, Montmartre. Je suis en train de lire un petit extrait de Musso. Sur les bords du canal Saint-Martin. J'ai acheté une bouteille de roux. Je me file le pinard avec ma meilleure amie. Avec un verre à ballon. C'est tellement ça, quoi. Ouais. Je suis arrivé, je fous ça. En bas de chez moi, il n'y avait même pas le gardien. Putain, qu'est-ce qui branle? On ne travaille pas ou quoi? Ouais. Il est vécu, ouais. C'est tellement. Il y a des gens, il n'y a pas de gens comme ça. On va voir des films en VO. Sous-titré. Mais t'as pas honte de dire en VF, t'as un premier VO, Guillaume. Tu parles pas anglais, quoi. T'es pas youtubeur, Guillaume. Pas un appart de 600 mètres carrés, Guillaume. Je te comprends plus, Guillaume. On prend le métro, mais c'est quoi ça, le métro? Pourquoi tu prends pas une Mercedes comme moi, Guillaume? Avec un chauffeur. Je vous jure, et parfois nous on entend des trucs et tout, c'est tellement vrai. C'est rigolo à entendre. Nous qui venons d'un milieu modeste Marseille pour Guillaume du Standard, Justesir de Mulhouse. C'est ça. Ouais, du sud et du nord et de l'ouest et de l'est. Et Flo des Cadeaux de Nantes et, ouais. Et Julia. Quelque part. D'ailleurs, et d'ici. D'ici et d'ailleurs. Et ça nous fait toujours marrer parce qu'il y a un petit côté beau. Et parfois, même les provinciaux, quand ils arrivent à Paris, deviennent plus parisiens que les parisiens. Il y en a qui en font trop. J'ai des potes comme ça, moi. C'est marrant, c'est après. J'habite sur les hauteurs. Tu as pas l'habitude de Chaumont, jamais. Bah, quand. Mais qu'est-ce que tu fais tes week-ends? Tu connais pas, il y a quoi comme bar là? Le Perchoir. Ah, ils connaissent à Paris. Il y a un truc qui est c'est un bar sur les toits de Paris. Je suis connu. Tu vois pas Rosa Bonheur? Rosa Bonheur, c'est une péniche. Un petit peu de rosé au Rosa Bonne. Ah, On va faire un apéro, je prends la gratte. Putain, c'est tellement vrai. Ah, la gratte. Quoi, putain, une guitare. Oh là là, je sais pas. Voilà, je suis pas un beau, je suis pas comme ça. Ah, t'es fort. J'ai mis sosie de la chatte à Juliette Stagiaire sur Energy. Ah, ouais, désolé, je l'ai montré. Il y avait une touffe dégueulasse. Bon, les gars, demain, on va parler des réactions inattendues originales d'un de vos partenaires. Si vous avez couché avec quelqu'un qui a une réaction originale, on en parle demain. Guillaume et votre message au 612. On parle de Cucto demain. Ouais, 22h. Sur les vendredis, c'est super. Ouais. Donc, on se retrouve demain, 22h sur Energy. Vous bougez pas, on se retrouve. Clément, je te repasse Julia. Ouais. Et on lance le sujet demain, d'accord? À demain, mec. Ok, il y a pas de soucis. C'est un peu comme un planète rap, on le garde toute la semaine. À demain, bonne nuit tout le monde. Merci beaucoup Clément, merci beaucoup. À demain Flo des Cadeaux. À demain Guillaume, bonne nuit. Bonne nuit Julien. Salut tout le monde. Allez, bye bye. Je suis à l'aise Guillaume, ça y est, ça fait une semaine, je pose mes couilles. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. Et on vous laisse avec des petits là maintenant, il est minuit et avec eux jusqu'à 4h du matin, je vous embrasse bien fort, on se retrouve à 22h nous sur Énergie demain. Tu m'entends Mickaël? Oui, tout à fait. Bon, comment ça va la journée? Bon, écoute, nickel, ouais. Ça va. Ça va. Tranquille, où elle est arrivée à l'heure ou en retard, Amina? Elle arrive à l'heure. Elle a dormi. Ah, elle arrive en retard que hier. Ah oui, ouais, c'est bah oui, attends, mais oui. Bon, c'est bien, c'est bien. C'était que hier. Bravo, fait. Amina, je suis fier de toi. Merci, c'était je suis content que tu fasses une bonne impression dans l'équipe. Ouais. Non, vraiment, et la chauffe pas parce que ça va se finir chez les flics. Ah. Exactement. Pourquoi? Ah, parce que c'est la menace. Elle a déjà porté plainte sur un membre de l'équipe ou pas encore? Évidemment, tout le monde, contre tout le monde. Attention, pour lui mettre la main sur l'épaule, qu'on lui fait la bise, elle va porter plainte pour un touchement. Non, c'est. Ah, putain. Bon, gros bisous, Amina. Non, rigolez c'est un drôle. Peu là. Attends, elle est marrante. Bon, on va te la renvoyer. Bon, qui fait bien les mecs. À demain. Allez, salut les gars. Ciao les gars. Ciao, ciao, bye bye. C'est la rentrée. C'est la rentrée. Tu regrettes déjà tes vacances? Tu étais tellement bien. Le sable chaud, les terrasses, le soleil, les bikinis, les jolies filles, les balades, la nature. Mais tout ça, c'est terminé. Même ton bronzage est en train de se barrer. C'est normal. C'est la rentrée. T'es pas bien. T'es pas heureux. Tu vas rentrer pour travailler. C'est comme ça, t'as pas le choix. Il y a le métro, les heures de pointe, les bouchons. Tu vas râler. Tu veux tout claquer. T'es fatigué. Fatigué. C'est normal. C'est la rentrée. Il y a l'école, les nouvelles têtes, te lever tôt. Il y a le boulot. T'étais pourtant si bien, zen et reposé. Tu t'ennuies déjà. Normal, c'est la rentrée. Tu ne penses qu'à une chose, à tes prochaines vacances. Mais prends ton temps, c'est dans longtemps. Pour le moment, c'est la rentrée. En attendant, il y a Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. Eh bah oui, on est là de minuit à 4h, soyez les bienvenus. N'oubliez pas aussi que c'est la dernière émission de la semaine, mais on sera de retour aussi dimanche à partir de 20h. 20h, minuit, tous les dimanches. Donc si jamais vous avez envie de venir discuter avec nous le dimanche, c'est possible aussi. Ce sera possible. Voilà, Tof qui vient d'arriver, dis donc à l'aise, hein, minuit 7. Oui, mais je. Bah, voilà. T'as pas l'impression d'être en retard? Ça veut rien dire. Si, mais j'avais un truc à faire important. Oui, alors attention, est-ce qu'on peut avoir une musique? Parce que moi, je. Bien sûr. Quand Mickaël fait ça, c'est qu'il y a un truc qui est bouillant. Effectivement, il y a un truc. Effectivement, il y a un truc. Alors, ce que vous voulez, vous allez la voir. Ah ben, on va la voir. Alors, attends une seconde, parce qu'il faut que je retrouve la musique de Tof. Putain, elle est où? Un truc de chien là. Je sais pas, c'est la première musique de chien. Non, mais je sais pas. C'est désanimé la vie. Ah, putain, non mais attends, un truc merdique, un peu sale. Je sais, mais je les trouve plus là. Putain, je sais pas qui c'est qui a bougé mon truc. Je sais pas, ça doit être un sabotage, ça doit être Seba au standard qui a dû saboter comme d'habitude. C'est moi, j'ai tout enlevé parce que c'était ça là. Bon, tant pis, il y aura pas de musique. Je sais pas, mais putain, ils sont passés. C'est chaud. Ah si, bah voilà. Voilà. voilà. Donc, tout à l'heure, bon, d'habitude, avant de faire l'émission, on va bouffer avec Polo, avec Toff, avec Amina parfois quand elle décide pas de faire régime, ou avec Seba quand il décide pas de faire des muscles. Ah, l'aise. Et là, Toff, il pouvait pas venir ce soir. Ouais. Non. Il m'a dit je peux pas. Il a dit non. Et je croise sa voiture à 2 km de la radio garée. C'est une blague. Mais je sais pas où. Et je lui envoie un message, il me dit non, je mange une, puis j'ai commandé une pizza. Je lui dis, mais si loin de la radio. Et je n'ai plus non, la réponse. J'avais un truc à faire. Ah, qu'est-ce que ça va faire? Mais ça vous regarde pas. Oh là là, c'est ça, ouais, c'est ça. Hier, il fait une dédicace à quelqu'un. Oui, aujourd'hui, c'est il a ça, Christelle. Un truc à faire. C'est pas Christelle. Mina, tu penses qu'il y a un lien entre ce dédicace? Je pense. Tu crois? Ah bah, je pense. Je ne sais pas. Je ne répondrai pas à cette question. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Eh bah, Maître Peter. Yahoui, du bonsoir. Oui, bonsoir, Maître Peter. Est-ce que vous pensez que votre client est coupable? Je pense que je suis dans le craintif que oui. Hein. Ah voilà, ouais, c'est ça, il me semblait aussi. Encore des ennuis, Maître Putain. Bah oui, certainement. Je pense que ça va encore finir au commissaire, oui. Ah bah c'est ça. Bon bah tant pis. Bon, on prendra des nouvelles quand même, on continue à enquêter. J'ai mandaté Amina sur l'affaire. Ah bah ouais, je vais le suivre dans la rue, hein. Bah, aucun problème. Hein. C'est ça. Non, mais le pire, c'est qu'elle est capable de le faire. Mais c'est vrai. Ah, mais bien sûr qu'elle va le faire. Attends, mais j'espère bien d'ailleurs qu'elle va le faire, qu'elle va te suivre, clairement. Ouais. Non, le pire, c'est qu'elle aurait pu savoir parce que j'ai failli la laisser dormir dans la voiture et donc du coup, je serais parti avec elle. Oh, parce qu'il faut alors Amina elle est venue avec... enfin dans la voiture elle était derrière donc elle s'est endormie et à un moment donné j'arrive et Toff il me dit on va vous connaissez Toff mais on va laisser dormir mais ah bah oui. Tu vas pas la laisser derrière avec les ceintures et tout hein. Et mes affaires avec évidemment. Les affaires et tout si on va la laisser je dis non je vais l'arriver donc je vais doucement tu vois je vais vraiment doucement pour une fois je... mais quoi c'est ouais. Quoi ce signe mais oui, c'est oui. Amina non, mais je pousse sur son épaule elle se réveille pas donc je fais Amina, et puis est-ce que je vais en arriver? On est arrivé où? On est sur Mars. Bon, sur Mars. Polo qui est là également en pleine il forme. Est là, toujours. Parfait, Seba au standard qui est là. Si vous voulez venir, si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas. 01 40 71 5000, c'est le numéro du standard. Si vous êtes en Belgique, vous pouvez faire le 02 703 007 1. Vous n'hésitez pas. Par SMS aussi, Mickaël et votre message au 612. C'est le même numéro pour la France et pour la Belgique. Et puis Facebook, Twitter, Instagram également. Let's Be Freaks qui dit salut les amours. Salut Let's Be Freaks sur le Twitter. Estelle, super de vous retrouver, bisous à toute l'équipe. Kevin qui dit allez let's go Mickaël sur Énergie, ça fait du bien d'être avec vous après une bonne journée pourrie. Ah bah oui, je sais pas ce qui s'est passé mais n'hésite pas à venir nous en parler Kevin. Caro sur le Twitter aussi, bonsoir à toute l'équipe, toujours le rendez-vous pour rigoler avec vous. Et puis le Tilter qui nous salue avec qui dit salut l'équipe, un pot de harissa dans le trou du cul du grand monoburne au corps de traître. C'est avec plaisir. Voilà, d'ailleurs on va lui mettre un petit coup dans la tronche là, ça lui fera ça va le remettre d'équerre toute cette affaire. Bon bah ouais. Bon, vous le savez, on vous en a parlé pendant toute la semaine avec le double hit. Il y a l'iPhone 7 qui sortait. Qui sort là aujourd'hui en fait, ouais. Tout simplement. On vous en a offert, je vous l'avais dit, on les avait pas physiquement parce qu'ils n'étaient pas encore sortis et que bah du coup on vous les filait et on. En fait, on partait à crédit. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous les offre. Mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc ce soir, on a le premier. Voilà, le premier iPhone en France, en Belgique, en Suisse. Bref, il n'y en a pas encore ailleurs. Le premier est là vraiment. Bravo. On vous fera une petite vidéo sur Facebook, sur Twitter, sur Periscope, sur Instagram également. Parce qu'il y en a plein qui font des photos avec des boîtes d'iPhone 6. En disant que c'est des iPhone 7, oui, et donc forcément c'est pas les vrais. On a vu un mec, il avait toute une pile. Oui, voilà, c'est ça. C'est bizarre, comment il peut nous mentir comme ça? Bah, voilà, mentir, c'est mal. Eh oui, mentir, c'est merci pas bon. Pour ça, merci, ça peut se finir chez les flics. Absolument. Évidemment. Voilà. Témoignage. Et la pluie, ça mouille. Évidemment. Et le feu, ça brûle. Voilà. Bon, donc si vous voulez voir l'iPhone 7, bon, pour l'instant il y a que la boîte. On a mis la photo sur le Facebook de l'émission. Vous tapez MIKL officiel et puis on fera un petit déballage tranquille, tranquille, filmé sur Facebook. C'est comme une jolie fille, il faut la dénuder. Voilà. Et c'est exactement ça, ouais, tout à fait. Vêtement par vêtement. Bah, Mina qui est ravie d'être comparée à une voiture avec moi, mais non, t'es comparée à un téléphone. Oh, c'est super. Mina. Bah, j'ai dit jolie fille. J'ai dit jolie fille. Ah oui, pardon. Je rigole. Ah, mais c'est ma soirée. On rigole. Ah, bah, j'ai bien fait de me réveiller, moi, de la voiture. T'as bien fait. Bon, ce soir. Moi, je voulais te laisser dormir. Ce soir, c'est jeudi. Jeudi, c'est canular avec des tablettes Samsung Galaxy Tab E à gagner. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les appels mal intentionnés qu'on fera tout à l'heure. Le karaopé, le retour du karaopé tout à l'heure. Ce sera avant 4h du matin. Et je sais pas si vous avez vu, en Autriche, il y a une fille qui a porté plainte. Probablement une cousine d'Amina. Une amie. Ouais, c'est ça. Contre ses parents. C'est bon, ça. Mais à votre avis, pourquoi? C'est comme Toff parce qu'elle a une sale gueule. Oh. Non, je ne ferai pas un procès à mes parents, pas. Mais pas du tout. Non, bah, peut-être que tu devrais. Hein. Marie, non, je vais le tuer si. Bah, ouais. Donc du coup, non, à je votre n'agresserai pas maman pour ça. C'est beau standard. Une idée de pourquoi? Comme d'habitude, non. Non, bah merci. Hein, comme d'habitude, c'était comme très intéressant. Voir. C'était pertinent. C'était pertinent. Super pertinent même. Amina du standard. Je sais. Donc je vais pas mentir. Ça va, t'as vu, elle a pas percuté, parce que je lui ai donné son ancien titre. Ouais. Et non, elle a pas percuté, c'est bien. Si, mon cœur saigne, mais voilà. Je ne montre rien. Non, parce qu'Amina n'est plus au standard aujourd'hui. Voilà, elle a un level au-dessus. C'est ça. Maintenant, elle est animatrice. Elle a eu une promotion. Yeah. C'est ça. Ouais. Yeah, merde. Canapé ou pas? Canapé? Promotion. Bah, tu devrais savoir même. Ah non, on sera plus d'avec Toff. Évidemment. Ah d'accord, oui. Ok, nous voilà. Il y a tellement de pouvoir dans la logique. J'aurais bien aimé, hein, mais. Bon, donc du coup, Amina, à ton avis, pourquoi est-ce que la fille a porté plainte contre ses parents? Pour une histoire de réseaux sociaux. Pour une histoire de réseaux sociaux? Ouais. Plus ou moins, Polo, une idée? C'est une question d'argent? C'est pas une question d'argent. Non, c'est pas une question d'argent. Si vous avez une idée, vous dites-nous, Mickaël et votre message au 612. Laissez votre numéro de téléphone pour qu'on vous appelle. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et sur Instagram. Et puis on va vous présenter aussi l'iPhone. On va vous le montrer sur les réseaux aussi dans quelques instants. Vous bougez pas de là. On fait ça juste après le son de 21 Pilots qu'on écoute tout de suite. C'est un de mes sons préférés. Et bah, d'ailleurs, si derrière il y a le son de Nash, il y a l'iPhone 7 à gagner. Hein. Faut simplement envoyer Mickaël avec double et votre message au 611-12. Bonne soirée tout le monde. I just wanna stay in the sun. Where I find, I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, I'm boring, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. C'est Mickaël, on est en direct sur Énergie jusqu'à 4h. Tu te laisses faire, tu fais rien. Lève-toi et bats-toi. C'est dur. C'est dur, mais continue. Tu entends? Lève-toi et bats-toi. Tu t'énerves. Hein, tu t'énerves. Allez, lâche pas. Continue, t'es sur la bonne voie. Mickaël, Toff, Polo et Amina. sont sur Énergie. Bah oui, on est là, évidemment qu'on est sur Énergie. Il y a Morgane qui dit bonjour toute l'équipe. Je vous attendais avec plaisir pour bien rigoler toute la nuit avec vous. Et vous avez remarqué que c'est Polo hein, qui m'a dit de pas mettre le son de Nash pour pas faire le double hit. Hein. C'est espèce d'enfoiré. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Il n'aime pas les auditeurs, il fait tout pour les emmerder. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On a offert un iPhone 7, c'était il y a deux jours, et on va. Bon, on l'a reçu le premier ce soir, on va en parler justement, et on va faire une petite vidéo sur Facebook, Twitter, sur Instagram également. Venez nous rejoindre d'ailleurs, c'est sur MIKL officiel, on fera ça d'ici quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y a comme message? Émilie qui dit: comment ne pas liker? Celui qui gagnera ce nouvel iPhone aura de la chance. Ah bah oui, c'est clair. Elle a porté plainte contre ses parents car ils ont posté des photos d'elle sur Facebook depuis qu'elle est enfant. C'est Johan le Belge de Limoges. Et bah c'est ça. C'est dingue. La meuf a c'est porté ouf. Plainte. Voilà. Donc ils ont publié des photos gênantes. C'est des photos gênantes, c'est pas forcément des photos d'elle. Des photos gênantes d'elle sur internet. Et donc à 18 ans, elle a demandé à ses parents de retirer toutes les photos, ils ont refusé. Du coup, ils risquent un an de prison. Tu vois, les parents sympas quand même. Hein. Et la fille sympa aussi. Surtout hein. La fille, parce que du coup, elle va mettre sa famille en prison pendant un an. Quoi. Non, mais c'est dingue. C'est-à-dire qu'à la mythe, tu fais ça pour que ton gosse soit content. Il a toute sa vie, quoi. Il grandit, tout ça, en se disant, ouais, c'est cool, ça va faire des bons souvenirs. Et l'espèce de merde porte plainte contre tes propres parents. Ceci dit, dans l'article 14 du code de la route. Non, mais l'avocat de la plaignante a précisé qu'il y avait 500 photos qui avaient été postées par les parents en 7 ans alors qu'elle se plaignait tout le temps. Donc il force un peu quand même. Ouais, d'accord. Pas okay, de la porter plainte. Bon. Franchement, ça va, 500 photos en 7 ans, ça fait une photo tous les 4 jours. Ouais, mais bon, elle faisait caca sur son pot et tout, c'est abusé quand même. Mais elle était toute petite. T'es sérieuse ou quoi? Ouais, mais tous les jours, tu imagines. Mais genre, ta daronne, quand tu vas avec ton nouveau mec, elle sort pas l'album photo. Oh, regarde la petite Amina. Oui, mais attends, mais qu'est-ce qu'on raconte là? Bon, bref, dites-nous si vous avez déjà justement, vos parents ont déjà dû publier des photos de vous un peu gênantes, ou si votre copain ou votre copine l'a également fait poster des photos de vous un peu gênantes. 01 40 71 5000, c'est le numéro du standard. Vous appelez, vous passez en direct. Si vous êtes en Belgique, faites le 02 703 007 1. C'est pas plus compliqué que ça.